plein d'amour pour Karima. Ah ouais, là, trop d'amour même. Ah bah voilà, c'est pas permis d'en recevoir autant. Ça fait plaisir. Merci à vous, à tout le monde, hein, pour les messages sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag LoveInFun. Merci pour tous vos messages. Vous laissez vos messages sur le répondeur de l'émission 01 42 48 5000. On réécoute les meilleurs tous les soirs. Il me reste 40 secondes avant que Mickaël envoie sa sonnerie. Donc, du coup, juste un grand merci à cette équipe. Non, mais je te la laisse. Merci, c'est gentil. C'est juste pour les remercier, voilà. Mickaël. Merci à Ludo au standard, Lilou au standard, Cassim à l'area, voilà. Maxime, notre producteur, Doc et Karel. Vous m'avez fait vraiment passer un incroyable anniversaire ce soir. Merci aux auditeurs pour leurs messages, etc. Mais ce qu'ils sont partis faire, chercher les personnes qui me tiennent vraiment à cœur, c'était juste incroyable. Alors, vraiment, à cette équipe, merci infiniment. On m'a pas appelé. Bah ouais. Bah, c'est quoi cette connerie? Ah, c'est normal. Hein, et j'ai un maillot de l'équipe de France qui déchire. Ah bah tant mieux, comme ça je dois pas l'acheter, c'est parfait. Non, t'as pas acheté. Il y a mon nom et mon âge derrière. Et une bonne nouvelle, l'Espagne est éliminée avant le Portugal. Oui, alors c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Non, pourquoi? Pas parce que Portugais, Espagne, machin. C'est que si jamais le Portugal flanche, personne n'entendra parler parce que tout le monde sera encore sur l'Espagne, l'Espagne. Ça a donc beaucoup parlé. Hein. C'est voyons l'événement de la Coupe du Monde là ce soir. Ouais, mais justement, ouais, c'est pour ça. Si jamais, si jamais le Portugal flanche aussi, on en parlera encore de l'Espagne, donc c'est plutôt cool. Bon, et j'ai un cadeau aussi pour Karima, évidemment. Ah, c'est tough, tu m'offres tough. Non, pas du tout. Avec plaisir, Karima. Bah, ma petite musique d'anniversaire. Voilà. J'espère que ma mère a coupé. Tu dis que c'est des fous, ils sortent de l'asile. Voilà, elle le sait, je pense. Ah. Je la reconnais, je la reconnais cette fille. Hey, tu sais que les filles qui gueulent comme ça, elles simulent. Hein. Oui, c'est pas grave. Cette fille est une artiste. Voilà, le principal, c'est de kiffer après. Hein. Ouais. Ou pas, c'est pas très grave. Merci. Bon anniversaire, Karima. Merci beaucoup. Il y a du gâteau ou pas? On a faim. On a tout bouffé. Ah, d'accord. Ça m'étonne pas. Non, c'est Doc. Ça m'étonne pas. Bon, bonne soirée à vous, en bisous, tout cas. À demain. Merci beaucoup. Salut. Et puis, nous, on est parti en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Bon, bienvenue à toi, Clément. C'est quoi ton secret inavouable que tu vas nous avouer? Je me branle sur les copines à ma sœur. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Ah, c'est bien, ça. Oh, ma chérie. Oh, mon chéri. Attends, je baisse mon caleçon. Ah, déjà, il perd pas de temps. Ça fait une semaine que je suis pas masturbé. Oh là là, c'est la dernière fois, c'était avec nous, donc on s'en souvient. Hein. Tu vas en mettre partout, j'adore quand tu m'en mets plein la figure. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live sur Fun Radio. Eh oui, on est en direct sur Fun Radio, soyez évidemment les bienvenus. On est là, on va se marrer jusqu'à 2h du mat. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oh, courage. Bon, c'est vrai, ça m'a fait de la peine. Mais courage à mes voisins espagnols. Éliminé, voilà, ça arrive. À notre ami Sébastien, si nous écoute, c'est le chien. Exactement. Et donc voilà, donc je. Non, ça m'a fait de la peine. Alors c'est vrai que dans la compétition, on est en train de se dire sale enculé d'Espagnol, sale chouros. Et ils disent pareil de l'autre côté pour les Portugais, mais. C'est triste. Mais nous on est encore dans la course. Ça va peut-être pas durer. Mais on est encore là pour l'instant. Donc on suit tout ça en direct. On aura des maillots de foot à vous offrir. Alors on fait 80% de rabais sur les maillots espagnols. Donc on est tranquille à ce niveau-là. Hein. Ça va aller. Ouais, pour 3 maillots de l'équipe de France gagnés, un maillot un maillot de l'Espagne offert. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France, hein, qui a une chance en plus d'aller un peu plus loin, aller voir. Dylan qui dit bonsoir l'équipe, victoire du Chili, c'est grâce à toi ça Mickaël. Ah bon? Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans moi? Il y a fait, il a la marabouté. Oui, c'est vrai, c'est grâce à moi. Il y a plein de messages. Ah ouais, putain, alors j'ai vu, alors même Eurosport a repris ma photo, mais tout le monde a repris ma photo. La photo d'hier avec François Hollande dans les gradins au Brésil pour le match Brésil-Mexico. Et merde, putain, personne. Si. Il y en a un, c'était le merde. Le JDF. Non, le truc du sport. JDF. Ouais, LFP ou la. Enfin, je sais plus. Oui, merde. Parce que moi j'avais dans ma tête les fils de pute. Oui, c'est mais ça, moi LFP. LFP, c'est ça. C'est pas les fils de pute. Non, c'est ça même moi. C'est en plus, c'est les seuls qui ont mis. Envoyez un mémo technique. C'est les seuls qui ont mis le crédit. C'est les seuls qui ont mis le crédit comme quoi ça venait de Mickaël officiel. Tous les autres, ils ont dit ah ouais, on a trouvé une photo, blablabla, pouette, et personne n'a mis la photo. Bon, elle est toujours sur le Facebook. Tous les gens qui nous écoutent et qui n'assument pas. Oui, mais c'est ça, elle est toujours sur le Facebook, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Facebook.com/MickaëlOfficiel. Bon, il y a Théo qui dit un petit petit message de bienvenue. Bah, débutons bien, évidemment. Moi, je vais t'ouvrir le crâne, bâtard. Je vais te chier dedans. Je vais le refermer. Tu vas me sucer la bite. Je vais te faire une grande faciale. Voilà, exactement. Et bon, en tout cas, on aura les appels tout à l'heure. Un appel malveillant avec Tov, bien sûr, hein, qu'on fait comme tous les soirs. Avec plaisir. Avec de nouveaux appels malveillants bien sympas, en tout cas, je l'espère. Comme ceux-là. T'as envie de te faire enculer ? Hein ? Voilà, ça c'était avant-hier. Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Voilà, donc si vous en avez comme ça, des aussi sympathiques que ceux-là, des amis ou des ennemis, bah balancez les numéros de téléphone, on fera les appels malveillants dans une grosse vingtaine de minutes. Vous envoyez les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Ludivine aussi, salut Mickaël, je vous fais plein de bisous, encore une super soirée sans Tof, ce serait le rêve. Ah, et peut-être qu'il va se prendre des petites minutes au coin, ouais. allez savoir. Mais j'ai rien fait. Mais oui, calme. Mais bon. Bon, en tout cas, appelez-nous si vous voulez passer à l'antenne avec nous, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000. Depuis la Belgique, le 02 851 4x0. On parlera ensemble de ce que vous voulez, bien entendu. Sandro, passez une bonne journée. Ouais, très bonne. Bon, très bien. Il y a Polo également qui est toujours à la recherche de Doux, hein, évidemment. Ouais. Et oui, je rappelle que c'est pour lui l'armée. Le maître des Doux et qu'un Doux est un auditeur de Fun qui n'a pas encore mué ou qui a moins de 15 ans. D'ailleurs, il y a Guillaume qui est avec nous là. Salut Guillaume. Salut Mickaël. Comment ça va? Eh, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien, Guillaume. Dis-moi, t'appelles d'où? Du Canada. Du Canada? Mais oh, tabernacle. Bah alors, comment ça se fait que t'appelles du Canada? Eh, pour te parler, mon tabarnak. Eh bah, tabarnak, hein, bah, bien sûr. Eh, donc, c'est nous qui payons, là. Ah, bah, je sais pas, sûrement, moi, je paye rien. C'est ce que ah, je bah, peux ouais, dire. Bah, alors, c'est nous qui payons, hein, côté eh, cher, t'as cette vu l'Espagne, là. Eh, oui, bah, l'Espagne, oui, bah, oui. Ah, j'ai bien vu, ouais. Ils vont gagner, c'est sûr, là. Bah, écoute, on verra, et le Canada, ils sont où? Ah, okay. Je m'en fiche du Canada, moi je suis français. Ah bon, bah t'as un petit accent canadien quand même. Depuis combien de temps que t'es au Canada? Ça fait un an et peut-être 8 mois je crois, un truc comme ah ça. Ah ouais, tu t'es vite mis avec l'accent toi, c'est bien. Bah ça va quand même. La musique du Québec. T'es dans quel coin au Canada? Christophe le trappeur. Je suis à Boucherville, juste au-dessus de Montréal, là, pas loin. Ah, juste au-dessus de Montréal, là, très bien. On va aller chasser le caribou. T'es tout près de Trois-Rivières? Comment? T'es tout près de Trois-Rivières? Ouais, c'est ça, pas loin, 1h30, genre. Eh ben voilà, t'as vu, mais je connais bien. On y était. Exactement. Et d'ailleurs, j'embrasse Émilie ouais. Qui bosse sur une radio là-bas, ça s'appelle Rock Déteinte. Rock Déteinte. Ah, Rock Déteinte, et elle nous avait fait faire la visite, etc., etc. On est connus là-bas, au Canada ou pas? Bien sûr. Quand même, mais pas beau. Même mes amis connaissent pas, mais généralement, j'essaie de leur dire d'écouter là, mais il y en a pas beaucoup. Ils doivent être choqués, parce que les radios aux États-Unis ou au Canada, c'est-à-dire que tu peux rien dire. Mais même la nuit, tu ne peux rien dire. Tu dis un truc, c'est bip bip, tout est surbipé, c'est une horreur. Alors là, déjà on se plaint parfois en Europe et en France en règle générale en disant on peut rien dire, on est censuré, mais alors au Canada et aux États-Unis je peux vous dire que c'est encore plus violent. Hein. Bon, en tout cas, c'est cool, Guillaume, là, il est quelle heure là chez toi? Il doit être, il est 19h il est 17h06. 17h? Ouais. Et vous avez pas 6h? Ah oui, si, bah si, je suis con. Oui, oui, bah 17h, ouais. 17h06. Bon, bah très bien. Bah écoute, en tout cas, merci d'écouter Fun par internet, alors, c'est cool. Ah, j'écoute tout le temps, je vous loupe 0 fois, là, chaque jour, là. Eh ben, on fait l'after school au Canada, 17h-20h, c'est cool, hein. C'est ça. Eh, il est 17h! T'as envie de te faire enculer? Écoute-moi bien, te fais enculer de tes morts, bah moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Ah ouais, on est au top au Canada, fuck là. Fuck off! Ah bah ouais. Fuck. Du cul, hein. Bah oui. Va te faire enculer, mais t'es mort. Allez, bienvenue, 17h-20h, on est en direct sur Fun Radio. Oh, Fun Radio Canada, bien évidemment. Bon, bah merci en tout cas, Guillaume, d'avoir appelé. Non, c'est pour dire dis-moi. Aussi, normalement, je vais essayer de passer au mois d'août, là. Ah bah d'accord. T'as envie de te faire enculer? Je m'en vais demain en France, là, dimanche, je rentre en France dimanche, là. Eh bah viens nous voir, direct. Ouais, mais non, je suis pas là mois de juillet, mais je viens au mois d'août, normalement. Bon bah très bien, bah tu vois avec Sandro quand est-ce que tu peux passer, mais tu viens ouais, avec plaisir, ça. Évidemment. Ah, ouais. Je lui envoie un mail et tout ça. Exactement. Puis, j'aurais bien aimé être avec vous, dimanche à Marseille, là. Ah bah oui, on va à Marseille dimanche soir, effectivement. Allez, Eh bah allez Marseille, évidemment, allez, Paris. Il joue plus pour l'instant, là, donc on est plutôt sur aller l'équipe de France, la c'est Belgique sûr, et le Portugal. Sûr. Voilà, c'est les trois qu'on supporte, puisque Toff est belge, moi je suis belgo-portugais, et puis Polo est français, donc ça nous fait un petit trio. On va bien avoir une chance de gagner la Coupe du Monde, on supporte trois équipes, merde. On devrait quand même y arriver, c'est vrai. Ouais. Sachant qu'en plus toutes les grosses équipes sont en train de se faire sortir, il y a des chances de passer après. C'est vrai, c'est bon, on verra bien en tout cas. Bon bah écoute Guillaume, tu passes nous voir quand tu veux, tu seras le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ouais, est-ce que je peux faire une dédicace? Avec plaisir, choisis une personne là, vas-y, choisis la bonne. J'ai fait une dédicace à Jules Chiron qui m'écoute et à tous ceux à qui j'ai dit de m'écouter à cette heure-là. Ok, très bien, bon, on embrasse tout le monde, il n'y a pas de problème. Ouais. Salut, bon, allez à bientôt. Bye. Ciao, bye bye. Ciao. Ah ouais, d'ailleurs, putain, ouais, j'aurais dû dire si les doubleurs de films canadiens pouvaient faire leur travail mieux. Parce qu'on m'a filé un film que j'ai regardé, il était en version canadienne. Oh putain, le film a dégoûté. J'ai trouvé nul le film. Et tu sais ce qui est marrant, c'est quand il y a un truc, un nom américain, des. Yeah, Jordan. Oui, on est parti avec Jordan Westmuth Fernand. C'est exactement ça, ouais. T'as mangé de la poutine. T'as mangé de la poutine. Bon, il y a Canvant aussi. Salut, je peux avoir un message de bienvenue. Bon, j'en ai mis plein là déjà. Là, mais que... putain, laisse-toi enculer, allez, merde. Bah voilà, Canvant, et bienvenue à toi. Et Max Radio No Limit qui dit l'Espagne va voyager en soute. Vu la déculottée qu'ils ont pris, faut qu'ils se cachent à leur arrivée à Madrid. Voilà, pour le coup, c'est chaud. Hein. 7 buts pris en 2 matchs, là, c'est quand même très, très, très violent. Mais bon, voilà, écoute, c'est fait, on verra bien pour la reste. Attention, il reste encore un match, hein, Australie-Espagne, c'est la finale de la loose. Ouais. Les deux éliminés là, qui vont jouer ensemble. En parlant de football, on a également des maillots de foot à vous offrir. Maillots de foot avec Direct Soccer qui vous offre les maillots de foot, ballons de foot et chaussures. Et pour gagner ce soir, c'est facile, il faut répondre à la question que je vais vous poser maintenant. C'est très simple. Combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Vous envoyez Mickaël suivi de votre message. Envoyez ça au 64 900 au 63 22 depuis la Belgique par SMS toujours. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit 30, vous repartirez avec un maillot au choix d'une des équipes, bien entendu, du Mondial 2014. La paire de pompes, Nike, Adidas ou Puma. Ou alors le ballon de foot. Voilà, combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Bonne chance tout le monde. Jérémy qui est avec nous également, 24 ans de Lille. Salut Jérém. Salut Mika, ça va bien? Bah ça va bien et toi, t'es en forme? Ok, ça va, en pleine forme. Oh, très bien, très bien. Tu nous appelles pourquoi Jérém? Ouais, parce qu'en fait ta photo elle est super, en fait t'as mis François Hollande hier. Ah oui, la photo que j'ai mise hier avec François Hollande au Brésil là. Ouais, en fait, parce qu'en fait elle est sur une page Facebook Mona FM. Ouais, Mona FM? Ouais. Ah oui, Mona FM, c'est dans le Nord, ouais. Ouais, je te l'ai envoyé en plus en privé. Exact, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, bah en plus elle est morte de rire la photo, j'aime bien et tout. Mais ils ont fait un crédit ou pas? Ils ont dit que ça venait de chez nous ou pas? Non, moi en fait je t'ai envoyé la photo d'hier et je t'ai identifié dessus en fait sur la photo en fait. Ah, c'est pour ça que je l'ai reçu, d'accord, ok, très bien. Bah ouais, donc tout le monde l'a prise, Eurosport et tout, RMC, BFM, tout le monde l'a prise et personne n'a fait de crédit, c'est pas cool. Et on sait que c'est la nôtre parce qu'il y a la flèche rouge. Ouais. Et c'est la même pose. C'est-à-dire que c'est même pas un décalé avant et après, ouais. c'est au même moment. Et j'ai fait un screenshot donc ça peut être que celle-là, hein, mais bon. Ah, écoute, bah merci en tout cas Jérém. Tiens, puisque t'es là, reste un petit peu avec nous, tiens. Est-ce que ça t'arrive de péter des plombs parfois pour rien? Ouais. Genre quoi, le dernier truc que t'as fait en date, c'était quoi le dernier pétage de plomb? Bah la dernière fois que j'ai pété des plombs, bah en fait un pote il me casse la tête à chaque fois. Ouais. Pour que je fais une soirée et j'ai pas envie, ça, des fois je pète des plombs. D'accord, ok, bon en l'occurrence ça va. Je posais la question parce qu'il y a un mec qui s'est fait taper dessus avec une barre de fer et à votre avis, à ton avis pourquoi il s'est fait taper dessus? Bah, je sais pas. Eh ben parce qu'il faisait pas son créneau assez vite. En gros, il garait pas sa voiture assez rapidement. Le mec est sorti de sa caisse avec une barre de fer, il a tapé dessus. Donc venez nous raconter pourquoi est-ce que vous vous êtes déjà emporté avec le recul. Est-ce que vous vous dites que c'était abusé ou pas? Toff, tu t'es déjà fait toi énerver ou pas? Non, ou taper dessus plutôt. Ouais, taper dessus. Ouais, ça. Enfin, il y a 2-3 fois où je suis pas passé loin. Ouais, ouais. À cause de? Ça dépend. Parfois parce que j'étais pas assez rapide ou parce que t'es voilà, je prenais mon temps pour une connerie. Le mec derrière, ça lui a pas plu et il voulait me défoncer. Mais ce qui m'énerve avec Toff, c'est quand il dépasse sur une autoroute. Il y a 3 bandes, il va se mettre sur la 3e bande alors qu'il va dépasser le camion qui se trouve à 15 km devant. Mais du coup, il se met sur la 3e bande et il se dit. Oui, mais je peux rester là puisque je vais dépasser le camion qui est dans 15 km plus loin. Ça peut m'énerver. Mais ouais, mais tu sais pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a les mecs comme toi qui roulent à 200 à l'heure et que donc quand je vais arriver au niveau du camion, ils vont pas me laisser passer, je vais devoir attendre qu'ils passent pour pas me laisser passer. Mais t'es pas de la police. 200 à l'heure sur circuit, Toff. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Ouais. Sur circuit, tu confonds, Toff. De toute façon, j'ai une Golf 1,6 litre diesel, elle monte même pas jusque là. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. N'importe quoi. Et Polo, lui, s'énerve jamais, lui. Jamais, suis le calme. Il est d'un calme exemplaire. Écoutez, c'est pour ça que je me rase le crâne, car je suis un moine bouddhiste. Oui, tout à fait, exactement. C'est le plus calme de nous tous. Ah bah on l'appelle l'eau qui dort. Hein, bah ça. Oui, complètement, ouais. Bon, Jérém, merci d'avoir appelé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Je peux passer une dédicace? Bah vas-y, ouais, tu peux passer une dédicace à qui? Passe à une personne, choisi la bonne. Ouais, je sais, y'a pas de souci. Bon, je fais une dédicace à mon filleul que j'aime de tout mon cœur. Eh bon, écoute, le message est passé. Il a quel âge? Il a 1 an et demi. Ah oui, donc il peut pas être à l'écoute, très bien. Bon, ouais, enfin, bon plus tard quoi, il sera à l'écoute. Faire dodo et tout, bon, bah ça roule. Et là, je vais essayer d'envoyer la réponse, je sais c'est quoi, Italie. Ah bah alors, dis rien, parce que si jamais il y en a qui ont pas trouvé, tu vas leur donner. Bon, très bien, ça roule. Allez, salut Jérém, tu veux écouter un son particulier ou pas ce soir là? Comment? Tu veux écouter un son particulier? Joule. Ma paranoïa. La quoi? Tu connais pas Joule? Ah non, je n'ai pas cette chance. Il y a aussi un Black M sur ma route. Ah, Black M, ouais, ça par contre, ça on connaît bien. Julio Iglesias. Ah, Julio Iglesias, ouais. Ouais, ça j'ai. Black M sur ma route, pas de problème, je te le mets tout à l'heure, reste avec nous. Et puisqu'on va écouter maintenant, puisqu'on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, on se fait Pitbull et Gillo maintenant. Bah, c'est la musique justement du mondial 2014. La Pitbull et Gillo, c'est We Are One sur Fun Radio. Put your flags up in the sky. Allez, bienvenue, c'est Pitbull sur Fun. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio, 23h17, au cœur d'une heure sans pub. Il y a Alex qui dit moine bouddhiste, polo, ouais. Gourou des doux, tu cumules les postes. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le hashtag et Mickaël sur Fun, hein, si vous voulez faire partie des premiers dans le top Twittos. On fera le jeu tout à l'heure avant 2h du mat. Enfin, à 2h du mat, on donnera les résultats, puisque on verra quel est l'auditeur qui a été le plus actif avec le hashtag MIKL sur Fun en un mot. Voilà, balancez la réponse, balancez vos messages avec le hashtag MIKL sur Fun et puis vous montrez dans le classement. Plus vous placez de messages, plus vous aurez de chances de repartir avec le magnifique sextoy d'une valeur de 100€. Offert par passagedudésir.fr. Et il y a Marie-Marie qui dit bonsoir, le monde des bisounours s'agace. Ouais, ouais. Ça serait bien que t'offres soit licencié, Mickaël. Tu peux mettre John Legend, s'il te plaît. All of My, s'il te plaît. Alors, je vais voir si je l'ai. Je te promets pas, Marie, mais si je l'ai, je te le mets. Corentin qui dit j'ai pas envie d'aller en cours demain, mais heureusement, j'arrête ces putains de cours vendredi. Comme ça, je pourrais vous écouter. Ah, bah, bonne nouvelle également. Et puis, Julie Kael aussi. Salut, super émission. Tu gères avec ton équipe. Où peut-on récupérer les messages de bienvenue? Est-ce que c'est possible? Ah, bah, il faut écouter tous les soirs pour les messages de bienvenue. Et puis, tu les as. Non, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard. Je vais te chier dedans, je vais le refermer. Tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. Voilà, en toute simplicité, quoi. En toute simplicité. Bon, on parlait des mecs énervés. On va récupérer Léo qui est avec nous d'Evreux. Salut Léo. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment tu vas? Salut. Oh, ça va. Bon, bah tant mieux. Alors, hein, Léo, toi tu nous appelles pour réagir par rapport au mec qui s'est pris des coups de barre de fer parce qu'il faisait son créneau. Donc, en gros, il garait sa voiture un peu trop lentement au goût du mec qui était derrière. Et du coup, je vous avais demandé si vous vous étiez déjà énervé et avec le recul, vous vous êtes dit putain, c'est quand même, je m'énerve pour rien quoi. Ouais. Bon, alors, c'est quoi toi Moi, c'était l'anniversaire des 18 ans de ma copine. Ouais. En fait, vers 3h du matin, il y avait un mec qui était déjà un peu bourré. Et jusqu'à 7h du matin, il cherchait la merde avec tout le monde. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, il était violent envers ma copine. Ouais. Et moi, je suis arrivé, j'ai mis une droite. Après, il y a sa famille qui l'a frappé. J'ai un de mes meilleurs amis, pareil, qui l'a frappé. Mais pourquoi sa famille l'a frappé? Parce que c'est leur petite fille, hein. Personne touche à leur fille. Ah, la famille de ta copine? Ouais. Ah, je croyais la famille du mec, je me dis, mais ils sont ouf. Est-ce qu'il aurait le mec, été il était défiguré, Ouais, enfin, c'est peut-être pas la peine de s'énerver à ce point-là. Que tu remettes quelqu'un à sa place quand il fait des conneries, pourquoi pas? Mais de là, le défigurer, surtout si c'est parce qu'il a bu, tu vois. Le mec, il est bourré, il peut rien. Ouais, je veux dire, mais avec le recul, voilà. Ah, bah oui, avec le recul, tu t'en veux quand même, heureusement. Ah oui, mais sur le coup, moi aussi, j'étais un peu bourré, mais pas au même point que lui. Mais quand même. De trou du cul. Bah oui, là, pour le coup, on peut pas dire autre chose, hein, ça, c'est sûr. Donc, du coup, avec le recul, ça va. C'est la seule fois où tu t'es énervé? Oh non. Non, enfin, je veux dire, oui, où t'as eu, où ça a été aussi loin et où tu t'en veux, quoi. Je vais réfléchir. Attends, je réfléchis parce que là je me suis embrouillé, mais non, je m'en suis pas voulu après. Attends, en attendant, on va demander à Polo l'énervement qu'il a eu, le pire qu'il a eu, où il s'est dit bon, j'exagère un peu là. Jamais je ne m'énerve. Bah, arrête. Non, mais c'est tout le temps en fait, à chaque fois. Mais est-ce que parfois tu regrettes? C'est ça la vraie question. C'est ça. Ouais. Ah, en fait, quand même. Ouais, parce que putain, ça y est quoi, il était temps. Polo, putain. Ouais. Ah, j'y croyais plus à un moment. Hein. Non mais c'est comment expliquer? J'arrive pas à me contrôler. Et un jour, j'ai embrouillé un chinois dans le métro. Et le pauvre, il m'a deux fois en fait. Il m'a tellement fait mal au cœur que je l'ai regardé. Et à un moment donné, je dis, mec, arrête quoi. Et le mec, il était choqué, tu vois. Il était choqué, mais je le voyais dans son visage. Et puis après, je lui ai expliqué en anglais pourquoi je me suis énervé. Ouais. Je lui ai serré la main et après il a souri. Et la lumière est arrivée. Et il y en a un autre, ça. Et il s'est enfin rendu compte qu'il exagère un peu. Et il y a une autre fois, j'étais un peu vénère pour une raison qui ne regarde que moi. Et j'étais sur le truc. Et il y avait un petit jeune, un petit blondinet avec une coupe de merde là, tu sais, fashion, ouais. Les couilles et tout, avec un sac de sport. Et ce con, en fait, il mettait. Tu sais, il secouait son sac, donc il tapait dans mon pied. Ouais. Donc à un moment donné, je le regarde, il continue. Et je le regarde. Tu vois, je fais, c'est bon, tu peux arrêter. Il me regarde, il me fixe comme ça, tu sais. Je fais, tu veux faire quoi? Tu veux te battre? Et il me regarde, je fais quoi? Tu veux qu'on sorte sur les quais? Tu vas sortir ton épée, puis on va croiser le fer? Il m'a regardé, mais il m'a dit, je comprends pas. Toujours dans l'exagération avec Polo, comme vous avez remarqué. Et puis une fois, j'ai viré des Roumaines du métro, je leur dis, cassez-vous, il n'y a pas de place pour vous. Ouais, parce qu'ils faisaient le service. Non, mais ce qui est énorme en plus. Non, j'ai honte, j'ai toujours honte après, mais bon, c'est la vie. C'est de rouler dans Paris avec Polo. Ah ouais, mais en fait, deux putes. Enculé, casse-toi, enculé. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que regarde ces têtes de fils de pute. Et comme il est raciste contre tout le monde, putain, sale blanc, va. Et puis machin. Et en fait, même sa propre couleur, il est sale blanc. C'est ça, non, c'est... qui est bon. Ouais, mais c'est pas vrai. Et le pire, c'est quand j'avais ma Smart. Le pire, c'est que comme je roule un peu vite, je roule comme ça. T'as vu, Léo, il y a pire que toi. Hein. Et les mecs, un jour, pareil, il y avait des mecs, ils étaient 3-4 dans une bagnole. Et je roule avec la Smart, je me mets sur le côté, tu vois, tu sais, je leur passe devant. Et les mecs, ils veulent faire les malins, ils se remettent devant. Et à un moment donné, je me tourne comme ça, je les regarde. Et ils ont fait. Ils ont dû dire merde, ils pensaient que c'était une meuf dedans parce qu'elle était rose. Et ils me regardent comme ça. Et je les regarde, tu vois, genre, il se passe quoi? Hop, ils ont tourné la tête et ils ont tracé quoi. Oui, forcément, ouais. Mais voilà, ils s'énervent jamais, hein. Toujours. Ouais. Mais il faut expliquer que tout ça, c'est quand Polo est passager. Hein, ah parce oui, que oui, quand il roule, c'est encore pire. C'est pas lui qui conduit quand il est vénère sur tout le monde. Hein. C'est clair, il faut qu'il reste calme. Ouais. Bon, Léo, en tout cas, merci d'avoir appelé. J'ai retrouvé un truc que je me suis énervé aussi. Ah, vas-y. Ben justement, c'était avec ma copine, on faisait du vélo. Elle me faisait, tu sais pas faire de vélo. J'ai bien fait la course. En fait, au début, elle commençait à me gagner. Et je l'ai doublé, j'ai fait une queue de poisson et j'ai freiné d'un coup, ben elle s'est pris mon vélo et. Mais toi t'es vraiment par terre, elle était en sang. Toi t'es vraiment un. De trou du cul. Complètement. Et putain, l'autre, c'est un truc de ouf. Le mec il préfère foutre sa copine par terre, mais. C'est nul. T'as vu, je suis arrivé devant. Hein. Bon, attends, il y a aussi Anthony qui est avec. Oh bah Anthony. Ah. La radio, Anthony. Oui, je suis dans le j'ai changé d'ampli. Tu peux pas couper la radio dès le départ en fait, c'est tout simple. C'est du voix. C'est parce que mon frère vous écoute donc. Ah d'accord, ok, très bien. Cette voix. Bon, Anthony Charleroi donc qui étudie pour laver les tombes. C'est ça. Voilà, non c'est mais ça. Attends, il faut qu'il. Parce que en fait la plupart des gens vont penser qu'on le fait exprès, mais Anthony, qu'est-ce que tu fais comme étude? Salut ces personnes. Donc tu vas apprendre à et ta passion c'est nettoyer les tombes. Bah y a pas que ça, c'est nettoyer les maisons, cuisiner, enfin tout ça quoi. Et nettoyer les tombes aussi. Voilà. Ça c'est ta vraie passion, c'est ce que tu fais le week-end. Voilà, c'est ça, c'est quand tu t'ennuies, ouais, c'est ça. Bon, Anthony, ça t'est déjà arrivé de t'énerver, toi? Alors là, vraiment, oui. Ouais, il s'est énervé dans un cimetière, il y avait un esprit qui arrêtait pas de lui casser les couilles, il déplaçait les bouquets de fleurs à chaque fois, il en pouvait plus. C'est scandaleux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas ça, c'est une blague. Ah bon, oulala, tu vois, t'es drôle, Anthony. Bon, allez, vas-y, explique ton histoire d'énervement. Moi, je m'énerve souvent quand je perds à FIFA 14. Quand tu perds à FIFA 14? Oui. Ouais, tout le temps quoi. Voilà. Tu prends quelle équipe pour jouer? Ça dépend, des fois Milan, Torino, ou bien les équipes qu'il y a. Et la Turquie, tu prends pas? Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'Anthony est 100% belge et qu'il supporte... L'Algérie? Non, il supporte la Turquie. L'Algérie? L'Algérie aussi? Oui. Ouais, et quel autre? Italie. Et l'Italie, voilà, c'est ça. Bon, l'Algérie, c'est mal barré avec la Belgique, mais bon, l'Italie, ça va. Et voilà. Et la Turquie, bah, il y a. Et la Turquie, ils sont pas là, donc comme ça, on va s'arranger. Très bien. Et donc, c'est tout. Quand tu joues à FIFA, tu t'énerves. Oui, ou alors, quand à l'école, quand on me fait chier, je pète un câble et je frappe. Ah, tu frappes? Mais t'es violent ou pas? T'as des biceps? T'as beaucoup de muscles? Non, parce qu'après, quand on frappe, je me laisse faire, donc. Ah, ouais, donc en fait, t'arrives, tu frappes, le mec, il t'en met une, et puis après, tu te mets à. tu t'attends que ça passe, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. Non mais c'est intéressant. Il y a Devers 45 qui dit moi la seule fois que je m'énerve c'est sur les jeux vidéo, on est ou sur la route quand je suis en scooter. Ah moi c'est sur les scooters que je m'énerve. Ah, putain, il y en a souvent qui roulent mais comme des cons. En fait, ça m'énerve pas dans le sens où ils roulent comme des cons, évidemment aussi un peu, mais c'est à quel point les gens parfois peuvent être stupides à faire des trucs hyper dangereux pour rien. Avec Polo, il y a un mois, j'ai failli en tuer un sur les champs. Oui. Bah oui, mais voilà parce qu'ils font ils s'en foutent, ils ont l'impression d'être tout seuls. Alors évidemment, tu vois la différence entre les vrais motards et les scooters. Ouais. Et les scooters s'en battent les couilles et les vrais motards. Bon après il y a des trous du cul comme partout. Mais je veux dire après les mecs savent rouler, tu vois. Ils sont courtois et respectueux parce qu'en fait ils le passent le permis. Exact, alors que ceux qui sont en 50 cm cube n'ont pas besoin de le passer je crois. Et donc du coup ils font. C'est comme les voitures sans permis, tu vois, ils roulent n'importe un wack. Juste une petite anecdote, rappelle-toi avec les flics, quand ils étaient avec le rond-point de porte-maillot. L'autre il fait un bras d'honneur au mec, le flic il s'arrête. Je lui dis, il va te faire enculer espèce de pute. Et donc le flic. Dans un cabriolet, donc il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit. Et donc le motard lui il se barre, le pas de chance c'était un flic derrière qui nous arrête. Excusez-moi, les papiers du véhicule, vous êtes un peu violent. En plus il a cru qu'on avait fait ça au flic. Et puis on lui explique, mais on n'était pas plus avancé parce que j'ai dit non, mais c'est mon pote, il a fait ça au motard. Ah ouais, et c'est une excuse peut-être. Bon, ouais, enfin bon, après il nous a pas arrêté, heureusement, puisque c'est pas moi qui avais fait le bras d'honneur. Heureusement, c'était Polo. Ouais. Je lui dis, vous inquiétez pas, on va le calmer. Je vais le calmer. Voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, ben merci en tout cas, Anthony et Léo, d'être venus. Vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Ouais, ça marche. Salut Léo, oui Anthony, tu voulais dire ? Je demandais une petite chose. Dis-moi. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue pour moi et mon frère ? Une assiette ? Tu veux quoi ? Un message de bienvenue pour moi et mon frère. Un message de bienvenue, bah bien sûr, évidemment, avec plaisir. Va te faire enculer, bête, t'es mort. Bah voilà, et puis un autre. Tu vas voir, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard. Attends, tu veux un message de bienvenue, je te le mets. Tu vas voir, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. Voilà. Bah voilà Anthony, il suffisait de demander, y'a pas de problème. Oui. Et le deuxième truc, si jamais il y a un mec de Belgique qui m'écoute et qui est intéressé par des soyeux, je n'ai rien compris. S'il y a un mec en Belgique qui nous écoute, oui, il y en a, évidemment. Ouais. Et qu'est-ce que quoi ? Qui est gay et célibataire et qui veut. Bah je croyais que t'avais trouvé un mec. Non, j'ai dû le quitter parce que sa maman m'avait sonné, parce que sinon elle portait plainte pour moi, parce que je devais le laisser tranquille. Elle portait plainte pour toi ou contre toi ? Attends, j'ai rien compris. Contre moi. Qu'est-ce que t'as dit ? Sa maman, elle avait sonné ? Elle a téléphoné à Anthony pour dire que s'il lâchait pas son mec, elle allait porter plainte contre lui. Mais pourquoi ? C'est quoi, c'est pour quel motif ? Ben j'en sais rien, elle m'a dit ouais, laisse mon fils tranquille, sinon je porte plainte. Ah, mais tu veux qu'on l'appelle ? Bah j'ai plus son numéro. Oh merde, sinon on l'aura appelé déjà. Bah oui putain, tu vas vite, t'es un rapide. Tu lui as offert une pierre tombale, c'est trop lui rapporter, c'est peut-être, ça. Peut-être, bah j'aurais bien voulu mais bon. Ah t'aurais bien voulu, bah oui, offrir une pierre tombale, c'est tellement beau cadeau. Bon bah écoute, si vous êtes gay, vous êtes sur Charleroi, donc pour tout près d'Anthony, bah n'hésitez pas, et vous êtes intéressé par Anthony, il y a pas de problème, appelez-nous 02 851 4x0. Voilà, numéro de téléphone pour la Belgique. Salut Anthony. Salut Miguel. Allez, ciao à toi, bye bye. Allez, on va vous rappeler aussi une petite fois encore la petite question ce soir pour repartir avec les maillots de foot. Si vous avez envie d'en choisir une des équipes qui se trouve au mondial, eh bien c'est facile. On vous les offre avec Fun Radio et avec Pro Direct Soccer pendant tout le temps du mondial, jusqu'au 13 juillet inclus. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question que je vais vous poser, que je vous ai déjà posée d'ailleurs il y a un quart d'heure. Combien de fois l'Italie a-t-elle remporté le mondial, la Coupe du Monde? Combien de fois? En gros, combien d'étoiles ils ont sur leur maillot, hein, grosso modo, c'est un peu ça. Si vous avez la bonne réponse, eh ben c'est facile. 1, 2, 3 ou 4, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Combien de fois l'Italie a remporté le mondial? Il y a Echo qui dit salut la team. Bon, c'est pas la joie, la Roja est éliminée. Ah bah, il faut bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. Rock'n'Wolf qui dit, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand tu passes Black M. Eh ouais, en même temps, on me l'a demandé. Je vous dis, si vous voulez écouter des trucs, vous demandez. Moi, je vous demandez, je le mets, c'est pas un problème ça. Hein. Bon, allez, restez sur Fun Radio, il y a les appels malveillants qui vont arriver sur Fun Radio dans quelques secondes. Et puis toujours au cœur d'une heure sans pub, il y a Ariana Grande sur Fun Radio. Problem. Juste après, on fera également le Je t'emmerde. Si vous voulez participer, bah appelez-nous, on va jouer dans 5 minutes sur Fun Radio. Ariana Grande à l'instant sur Fun Radio, là, c'était Problem. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact. Et puis on salue également Océane qui nous écoute. Elle m'a envoyé depuis 50 messages depuis hier pour que je lui fasse une dédicace. Donc c'est bon, c'est imprimé maintenant là. Voilà. Bon, bah, gros bisous Océane. Et il y a Abdou qui dit, ce qui m'énerve, c'est quand on respecte pas mon autorité. Sérieusement, la SNCF, des vraies glandeuses, ces gens. Il y a Benjamin qui dit, je te demande depuis deux semaines de passer un tube de Rihanna, mais jamais tu le vois. Ah bah, je le vois maintenant, Benjamin. Mais par contre, si tu me donnes pas quel titre aussi, c'est compliqué. Hein, parce qu'il y en a plein des morceaux de Rihanna. Et Stéphane qui dit, salut, je vous écoute depuis 3 jours. Bah, bienvenue à toi, Steph. Et vous êtes trop marrant, c'est gentil, j'écoute jusqu'à la fin même si je me réveille à... Oh putain, 6h du mat, bah bon courage hein Steph, hein. Vive le Portugal, eh oui, vive le Portugal, on suivra le match d'ailleurs dimanche, on est à Marseille. Alors l'horaire, attention, j'ai plus d'infos là, je l'ai mis sur le Facebook tout à l'heure. On sera donc on arrive samedi après-midi, samedi 16h, on se retrouve sur à la plage où il y a le Party Fun Live. Merde, j'ai mis le nom, j'ai oublié le nom maintenant, le nom de la plage là. Oh là là, alors attendez. Je vous donne le nom exact. C'est Boca quelque chose, non? Ouais, Borély, voilà, la plage Borély. Donc on sera là-bas à partir de 16h pour faire un jeu. Il y aura des cadeaux évidemment à vous offrir. Le lampé, après on passe la soirée sur la plage, pépère, hein, Party Fun Live, on sera à la cool. Le dimanche, 16h, on se retrouve sur le Vieux Port. Là aussi, on fera un petit jeu, puis on ira bouffer au quick, on ferait de... Polo. Non, non, auprès de Toff, j'ai vu ça sur le message, j'ai vu ça sur le Facebook et sur Twitter. Apparemment, c'est Toff qui paye son quick. Ça fait le buzz. Ah bon? Voilà, donc rendez-vous à 16h, hein, dimanche, sur le Vieux Port, 49 quai des Belges. C'est à Marseille, évidemment, puisque rendez-vous au quick, là, donc en l'occurrence, puisque Toff paye son quick. Ouais, il va appeler. Je suis pas au courant. Il va appeler son banquier, là. Il va appeler son banquier, voilà. Donc, venez, je vais faire un crédit. Eh, Marseillais, Marseillaise, là, venez, on vous attend. En plus, c'est gratuit avec Toff, il a payé son quick, ça va être cool. Et puis, dès 20h, on fera l'émission en direct des studios de Fun Marseille. C'est aussi 49 quai des Belges sur le Vieux Port. Vous pouvez pas le louper, il y a des logos sur la façade, des logos Fun Radio, et vous serez les bienvenus pour faire l'émission avec nous. Ouais, je viens de recevoir un SMS de ma banque, c'est pas possible. Ouais, je suis découvert. Mais t'inquiète pas, ça va être possible. Kevin qui dit, ça fait 22 secondes que je vous écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Sans déconner, tiens. Mais va te faire enculer, moi je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute, va. Voilà, en toute simplicité et en toute amitié, bien entendu. Bon, avant de faire le jeu du je t'emmerde, pour jouer avec nous, il y aura Mickaël et il y aura David. On va se faire les appels malveillants. Ah. Les appels malveillants, j'ai une bonne nouvelle pour tous les éjaculateurs précoces. Il y a enfin une solution radicale pour vous aider. Ah. C'est le Prozac. Voilà. Des médecins sont rendus compte que prendre 20 mg de Prozac augmente jusqu'à 3 fois le temps de rapport. Ah, c'est bon ça. C'est pas mal, hein. Donc toi, tu vas passer quelques appels malveillants pour voir si ils ont des soucis avec l'éjaculation. Bah oui, si je peux les aider. Bah évidemment, évidemment. Bah c'est parti. Alors allons-y, on y va. Grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on appelle le premier de ce soir à 23h36. Et comme promis, le jeu du je t'emmerde juste après. Oui, allô? Oui, j'écoute. Oui, bonsoir madame, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari était éjaculateur précoce, madame. Oh, n'importe quoi là. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh, c'est juste pour savoir, madame. Bon, on la rappelle. La pauvre dame. Bah oui. Attends, on va la rappeler. On va peut-être tomber sur monsieur qui gueulait derrière. C'est quoi cette sonnerie bizarre là? Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Allô? Allô, vous m'entendez monsieur? Oui, difficilement. Ah, difficilement, non, je voulais savoir si vous étiez éjaculateur précoce monsieur. Mais non, mais de qu'est-ce que vous racontez là? Bah c'est une question monsieur. C'est des conneries. Est-ce que ça vous regarde déjà? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Oui, non, mais vous avez rien d'autre à faire? Bah non. C'est pour non? ça que... Non, bah non, sinon je vous appellerai pas monsieur. Ah bon, c'est une question sur combien, sur 10 ou 20? Non, c'est une question sur une question, monsieur. Ouais, bah c'est une question vraiment intelligente. Hein. Bah je vous remercie, monsieur. Voilà. Mais vous y avez pas répondu. Non, non, mais moi je vous dis comment vous avez des questions vraiment intelligentes. Je sais pas quoi on vous paye quand même. Hein. Bah, posez des questions, monsieur. Ouais, bah dites donc, vous avez de la chance d'avoir du boulot, alors. Bah je vous remercie, monsieur, mais vous y avez pas répondu à ma question. Mais je vous répondrai pas. Bah pourquoi, monsieur, c'est pas gentil. Mais parce que ça vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Hein, mais non, allez vous faire tuer en œuf. Oh non, monsieur, non. Allez, hop, au revoir. Oh bah non, allô. J'aurais misé sur un pas de sang entre nous. Ah, j'aurais misé, ouais, c'est pas mais grave. J'étais pas chaud pour le bah pas de sang entre nous. Bah attends, on va le rappeler encore un coup là. Allez, c'est parti. Putain, qui c'est comme mauvaise réponse pour la question pour le foot là. C'est un truc de ouf. C'est pas bon ce soir. Ou vous voulez pas le maillot? Et lui, il veut plus décrocher. Vas-y. Allô. Allô. Oui, non, vous répondez pas à ma question, monsieur. Oui, ben... Oh, il nous fait chier. Mais non, mais laisse-le. Oh là là là. Tu es malade. Mais non, mais c'est pas grave. Ah, ben vous voyez, mais non, c'est pas grave, monsieur, si vous êtes éjaculateur précoce, mais vous pouvez me le dire. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Mais écoute-moi, donc, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es un PD, t'es quoi? Ben non, monsieur, pourquoi vous voulez que je sois un PD, monsieur? Ben parce qu'on n'a pas eu de poser des questions comme ça. Ben si, hein? C'est bon. Tu dois être malade de la... Hein? Ben non, monsieur, pas du tout. Ben non, ben voilà, mais t'as rien à faire alors. Bah non, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Ah ouais, bah quelle heure il est, là? Bah non, mais c'est pas grave. Bah non, je sais bien, monsieur, c'est pas grave d'être éjaculateur précoce, mais vous pouvez... Oui, mais oui, oh, oui, oh, mais non, mais tu dois être malade de la tête, toi. Oui, mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous me dites ça? Bon, allez, ça va, hein, bon. Bah c'est vous, monsieur, qui répondez pas à la question. Mais ta gueule, allez. Oh non, monsieur, non, allez, pas de sang entre nous, monsieur. Ah. Allô? Non, c'est bien de l'avoir placé, mais bon, deuxième coup quand même. Bah troisième, oui, même, troisième appel. Ouais, mais j'étais pas chaud pour le premier. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, bah si vous avez des solutions aussi pour les éjacs précoces, là, n'hésitez pas à nous le dire, hein, on sait jamais. Là, c'est apparemment 20 mg de Prozac, ça peut faire tenir 3 fois plus longtemps. Bon, on fera d'autres appels malveillants, évidemment, tout à l'heure. Et puis, bah, je répète la question, puisque vous êtes nombreux à avoir donné la mauvaise. C'est assez surprenant, je m'attendais vraiment à ce que vous sachiez plus. Bon, bah, du coup, c'est tout bénef pour les peu qui ont trouvé la bonne réponse. Combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse, évidemment. évidemment, ou 64-900. L'Italie a gagné 3 fois la Coupe du Monde, là, c'est pas ça. Proposer le coq. Oui, alors ça, c'est la question d'hier. Oui, je sais pas pourquoi ils envoient ça, les gens, mais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi 2 fois on proposait, et alors quelqu'un qui proposait. Alors c'est bien parce que je vous dis 1, 2, 3 ou 4 fois, quand même quelqu'un qui dit plus de 4 fois. Alors, je me souviens pas que ce soit dans les propositions, mais bon, si tu le dis, mais c'est pas ça, hein, c'est pas plus de 4 fois. Donc allez-y les autres, maillot de foot à gagner ce soir. Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou pour la Belgique au 63-22. Dans les deux cas, c'est par SMS. Combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Bonne chance. On va prendre Mickaël et David maintenant. Là, vous êtes là, Mickaël et David? Ouais, salut. Ouais, ça va bien? Ça va, bien. Bon, vous êtes nerveux, vous, ou pas, là, comme on en parlait, là, Mickaël et David? Non, ça va. Plutôt calme, David, et toi, Mickaël? Ah non, moi, c'est plutôt l'inverse. Toi, t'es plutôt nerveux, toi. Attends, ouais, je peux poser une question, là? Vas-y, David. Vas-y, t'as quel âge, Mickaël? À qui moi, tu parles? À quel Mickaël? Celui qui est contre moi, là. Ah, celui qui est contre toi, il a 24 ans, il appelle de Lunel dans l'Hérault. Et puis David, toi, t'es de Mulhouse en Alsace. Très bien. Bon, allez, je sais pas pourquoi j'ai mis très bien alors que je parlais d'Alsace. Ça doit être, je m'entraîne pour le Marseille. Tu te prépares, c'est je me prépare, exactement. Bon, Mickaël et David. Ouais, exact. Bon, on va jouer maintenant à ce grand jeu qui est le jeu du je t'emmerde. Le principe, on ne peut plus simple. Vous allez jouer chacun votre tour, à chacun votre tour, l'un contre l'autre. On va appeler des gens au hasard. Le but, placer un maximum de je t'emmerde ou de je t'emmerde dans la conversation sans se faire raccrocher au nez, ok? Interdiction totale, évidemment, de placer des je t'emmerde. Il faut que la conversation ait une logique, bien entendu, d'accord? Soit naturelle, ok? Et pas de je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc. C'est uniquement je t'emmerde ou je t'emmerde, ok? Ça marche. Bon, qui veut démarrer, Mickaël ou David? Peu importe. Moi, je veux faire parce qu'il est nerveux. Tu veux commenter? Ah bah. Vas-y. Ah bah, oh, vas-y. Que de politesse, ils sont mignons. Allez, bah, c'est parti. Ah bah, David, on y va. Premier appel maintenant. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô, ok? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, on joue pour les casques focales, Spirit One, dernière génération qui déchire tout. Mais on dit pas des casques focaux? Non. Focal, focaux, non. Et bonne chance, David. Merci. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à la gendarmerie du 18ème. Ah, ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée. C'est un peu loin de chez vous? Oh, bravo! Oh là là! Pas mal! Attends, je te mets la musique! Il n'y a pas de gendarmerie dans le 18ème, dans la rendez-vous. Je sais pas, je suis pas trop de là-bas, moi. Ah ouais, non, mais bon, zéro, hein? Bravo, hein, 0 plus 0 égale la tête à du con, c'est-à-dire Tof. Bon, eh ben, c'est pas grave. David, tu feras mieux tout à l'heure, j'espère. Bon, Mickaël, autant dire que pépère, hein. Ouais, on va tranquille. Bah oui, attends, faire mieux que zéro, ça va quand même. Enfin, c'est un peu comme l'Espagne contre le Chili. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est facile. Si tu veux au moins avoir un point, le mec décroche, je t'emmerde. Il va peut-être raccrocher, mais au moins t'auras un. Tu non, vois quand même. C'est ah bah attends. Plaît. Bah oui, c'est vrai, mais bon. Allez, on y va, Mickaël. On appelle. Même chose, hein. Placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation logique. Et dès que t'as plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ça marche. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle parce qu'en fait j'ai reçu un courrier de votre part, il y a écrit je t'emmerde dedans, donc je voulais savoir si vous me l'aviez bien adressé. Vous êtes non. Si bah, écoutez, j'ai quelque chose à dire, je m'adresse. Ouais, parce que sur le courrier, justement, il y a vraiment écrit je t'emmerde, il y a votre numéro de téléphone et vous me mettez bien en gras, je t'emmerde. Non. Enfin, ça se fait pas quand même, monsieur, écrire des courriers comme ça avec votre numéro de téléphone, écrit je t'emmerde. Vous habitez dans quelle région? Moi, je suis à Montpellier. J'habite la Picardie, donc... Écoutez, le courrier, quand même, est arrivé avec votre numéro de téléphone. Écrire « Je t'emmerde », c'est pas anodin. Moi, je dis pas « Je t'emmerde », comme homme, ça, n'importe c'est qui. Un homme qui me dit... C'est un homme de Montpellier qui me dit « Je lui ai envoyé « Je t'emmerde » avec mon numéro. Ah, ça compte, hein? Donc, je connais personne à Montpellier. Bah, c'est peut-être votre femme qui me dit « Je t'emmerde » dans un courrier. Je sais pas, elle a peut-être pas apprécié hier soir et elle me dit « Je t'emmerde » depuis. Ah, le bâtard. De quoi? Bah, je sais pas, c'est votre femme qui me dit je t'emmerde parce qu'elle a pas apprécié la dernière fois que je l'ai vu ou quelque chose comme ça. Que vous êtes éjaculateur précoce, il me semble, non? C'est l'autre qui fait tous les sujets. Et sinon, l'Espagne qui a joué? Bah, apparemment, vous me connaissez, monsieur, parce que vous m'envoyez un courrier avec votre numéro de téléphone dedans en me disant je t'emmerde quand même. Donc, Bah non, voilà, je crois que. C'est un peu. Non, honnêtement, si je vous connaissais, que j'avais votre adresse, et votre ou votre numéro, je vous aurais dit moi-même ce que je pensais de vous. Bah, parce que là, vous êtes par courrier, écrire je t'emmerde comme ça. Vous connaissez la signification du mot je t'emmerde quand même. Il aurait pu remplacer des gens dans ce cas. Déjà, c'est pas mal. Oui, c'est ah bon. Bah écoutez, des femmes peut-être à la rigueur, mais des hommes non. Non, bah là, ça, vous pouvez m'attaquer. Là, vous m'attaquez gratuitement, je sais pas de quoi vous parlez. J'ai jamais écrit de courrier à des gens que je connais pas, surtout pour les insulter. Demandez à votre femme, c'est peut-être votre femme qui a mis votre numéro de téléphone. Pourquoi vous parlez de ma femme comme je t'aime. Bah, je sais pas. De quoi ? Écrire je t'emmerde comme ça, puis en plus l'écriture est une écriture féminine. Hein. Le je t'emmerde, il y a le J qui est bien arrondi et tout ça, donc je t'emmerde, version féminine, ça peut le faire, c'est peut-être votre femme. Hein. Pourquoi vous parlez de ma femme comme ça ? Enfin, je sais pas, monsieur, il y a votre numéro de téléphone, un mot qui est écrit je t'emmerde, j'aimerais quand même savoir qui c'est qui me l'envoie. Non, il est parti. On compte pas le dernier je t'emmerde, il est pas comptabilisé. Alors attends, c'est parti avant. Bon, ça nous a fait combien là ? Bah rappel du score de David. 14, il en a. Hein, rappel du score de David. 0. Voilà, 0,0000,0. Ah, tu peux pas mettre une vieille, un truc comme ça. De quoi ? Bah oui, mais nous on choisit pas. Le hasard. On l'appelle au hasard. On peut pas en donner un à David. Non. Bah, il a participé. Oui, oui, mais non. Michael, on a mis combien ? 17. Pas mal. Et tout en calme, hein, tout en pépère. Tranquille, placé proprement. Tu vois pas des je t'emmerde. Exactement. Non, il a bien joué, Michael. Pour l'instant, c'est toi qui gagne. Bravo à toi. Reste là quand même, restez là tous les deux. Ouais. Puisque juste après la pub, on se fait la deuxième partie, d'accord ? Ça marche, je suis chaud. Allez, bah bougez pas de là tous les deux juste avant. Tiens, en parlant d'énervement, là il y a Nico qui est avec nous de la Ciotat. Salut Nico. Oh là là, il va couper sa radio. Hein. Nico, coupe ta radio. Pardon, excuse-moi. Vas-y, c'est bon, c'est coupé la radio là. Ouais, nickel, c'est bon. Ah, excuse-moi. Parfait. On va parler d'énervement dans quelques minutes avec toi. Ah, y a pas de souci. Bon bah tu restes avec nous. T'as envie d'écouter un son ce soir en particulier ou pas spécialement? Bon, pas spécialement. Bon bah David Guetta, t'aimes bien? Allez, pas du tout, ouais, la dernière David Guetta, ouais. Eh ben parfait, on va se l'écouter dans quelques minutes. David Guetta avec Blast Off. On termine cette heure sans pub. Et puis on se met un petit peu de pub là vite fait. Et juste après on s'envoie la nuit sans pub. Et là je peux vous dire qu'on va se mettre bien. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On vient de débarquer là jusqu'à 2h du mat. Et puis il y aura les maillots de foot. Je vous répète la petite question juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Bah bonne nouvelle, donc bienvenue si vous venez de débarquer. Restez là aussi puisque je vous cale le son de David Guetta comme promis qui arrive. Laurence Hermine Van Buren. Avec Ping Pong. Et puis on l'avait demandé tout à l'heure, le son de Black M. On fera un petit tour du côté de Sur ma route. Et puis pour me faire plaisir, le son d'Avicii. Voilà, les Mi Down sur Fun Radio. Bon, et si vous voulez balancer vos messages, vous êtes les bienvenus. Hashtag Mickaël sur Fun sur le Twitter. Et puis vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900 par SMS. Pareil également, si vous voulez repartir avec votre maillot de foot offert par Pro Direct Soccer. Et bah, on vous l'offre, maillot de foot, ballon de foot ou alors les chaussures de foot avec les crampons et tout. Hein. Si vous voulez jouer au foot et tout, c'est la folie totale. Il y a les Nike, il y a les Adidas, il y a les Puma. Pour gagner ça, c'est facile. Il faut répondre à la question. Combien de fois l'Italie a-t-elle remporté le mondial? Voilà, la Coupe du Monde, elle a été remportée combien de fois en Italie? Voilà, si vous avez la bonne réponse. Un indice, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a sur le maillot. Voilà. Par exemple, le Brésil a gagné 5 fois. Et l'Italie, combien de fois? Bon, si vous avez la réponse, et franchement, il y a beaucoup de mauvaises réponses. Je suis assez surpris ce soir. Autant d'habitude, ça va bien. Autant là, bof. Il y a Romain qui dit 2 fois. Non, c'est pas ça. Et Pierre qui dit 1 fois, je me rappelle. Ah ouais, bah tu te rappelles peut-être d'une fois, mais il en manque d'autres. Hein. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois, elle a gagné la Coupe du Monde. Bonne chance tout le monde. Et Mickaël est la réponse au 64 900. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va récupérer Nico pour l'énervement dans quelques minutes, mais avant toute chose, il y a le je t'emmerde, la suite du je t'emmerde avec David et avec Mickaël. Vous êtes toujours là tous les deux? Allô? Ouais, je vais. Ah voilà, très bien. Je veux pas quitter un petit coup, je gagne. Bah, vas-y, continue. Tu m'as dit quoi, Mickaël? J'aime. Non, David? Non, je parlais avec Mickaël. Ah, mais qui me... Qui me parle? Non, c'est David qui parlait avec Mickaël. D'accord, ok, c'est bon. Alors, parfait. Tiens, il y a un message qui dit... Bah, je vais le lire après, sinon ça va vous donner un petit coup de main. Ça nous dit qu'il avait envoyé un SMS là par rapport au je t'emmerde, mais je le lirai après, du coup. Bon, alors, Mickaël avait fait 17 je t'emmerde, David en avait fait 0. Bravo. Bravo. Ah bah oui, bah, félicitations. Magnifique. Magnifique. Bon. C'est pas grave, Mickaël, on remet le couvert maintenant. David, tu finiras en beauté, je l'espère. On va donc appeler quelqu'un au hasard. Tu dois lui placer un maximum de je t'emmerde ou de je t'emmerde dans la phrase, sans qu'il raccroche, dans la conversation, sans qu'il raccroche. Et puis si t'arrives à en placer plus de 17, on gardera le meilleur des deux scores. Et puis si t'en fais moins, on gardera 17, d'accord? Ça marche. Allez, c'est parti, on appelle. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Voilà qu'il y a le Cameroun qui va affronter la Croatie en Coupe du Monde. On vous tient au jus et on suit le match pour vous. Pas de problème si vous n'avez pas la télé. Allô. Oui, allô madame, bonjour. Dites-moi, je me permets de vous appeler parce qu'apparemment vous auriez croisé ma femme et vous lui avez dit je t'emmerde. Elle va te faire enculer, non aussi? Ah non, c'est pas de ça entre nous quand même. Mais pourquoi vous dites à ma femme je t'emmerde? Sérieux, mon connard, t'as vu faire chier. Ouais, bonjour. Dites-moi, votre femme, quand elle est sortie de chez vous, là, elle a insulté ma femme, elle lui a dit je t'emmerde, c'est normal? Ah, mais t'es fou, toi. C'est votre femme qui est plutôt folle, non? Parce que dire je t'emmerde comme ça aux gens sans les connaître, vous... Oh, là, quand je t'emmerde, t'as où mon numéro? Votre numéro, ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvé facilement, hein. Votre femme... Tu l'as retrouvé de où, sans le tout, cette espèce de salon? Je t'emmerde à tout le monde, moi je retrouve le numéro, hein. Viens maintenant chez moi, je t'en retire que t'es mort. J'ai cru qu'on était dans un appel malveillant à un moment. Viens, moi je t'emmerde, viens. Ouais, mais quand même, attendez, vous avez la signification du mot t'emmerde, attendez. Tu sais pas que tu l'emmerdais. Oh, maintenant, qui sait où ça pisse et qui vient? Allez, viens. Attendez, votre femme, elle se permet de dire je t'emmerde comme ça, elle se prend pour qui, yo? Eh ben viens tous les jours, le con de ta mère, j'ai une enfant de 4 ans qui dort, le con de ta mère, tu m'appelles comme ça à minuit? Et alors, si tu peux, c'est ma femme, en lui disant je t'emmerde. Ta femme, j'ai un cul. Voilà, tu m'as compris, là, tu as quelque chose à dire, tu viens me le dire. Vous avez des éjaculateurs précoces, ça sert à rien. Arrêtez plutôt de dire je t'emmerde dans la rue, ça sera mieux, hein. Eh ben viens, moi je te le dis, je t'emmerde en face, je te le dis. J'ai pas besoin de la rue. Non, mais c'est bon, quand même, mais pourquoi votre femme a dit je t'emmerde comme ça? Au bout d'un moment, c'est la... Va niquer tes mots. Faut la faire soigner au bout d'un moment, hein. Voilà. Qu'elle déformère comme ça. Au lieu de raccrocher, pourquoi il continue à parler? Attendez, votre femme, elle se permet de dire je t'emmerde à la mienne et il faut que... Tu vas pas essayer de dire n'importe quoi, t'es un fou. Non, je vais partir déjà pour te manquer. Va niquer tes mots. Rappelle pas chez moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas couché, moi. Moi, tant que j'ai pas eu l'explication pourquoi votre femme a dit je t'emmerde à la mienne, je resterai là. Ta femme, j'ai un cul. Tu m'as compris? Mais ça déjà tu touches pas et tu m'expliques juste pourquoi ta femme elle insulte et elle dit je t'emmerde comme ça. Viens, je te l'explique en face. Tu as l'air de savoir où j'habite, viens, je te l'explique en face. Ou espèce de pute. Ça sert à quoi? J'ai quand même pas me dépasser pour ta femme qui insulte et qui dit je t'emmerde. Eh ben moi je te le dis à toi, je t'emmerde. Et il ne veut pas raccrocher le corps. Tu veux faire le masque là? Viens, tu fais le masque. Fais le masque. Tu vois un homme de... On est à combien? Ou espèce de folle que tu es. Mais je l'emmerde ta femme. Mais moi tu l'emmerdes la mienne. Voilà quoi? C'est quoi? On va voir qui c'est qui t'emmerde, ouais. Eh ben viens. Ouais, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que calme? Ah, il veut pas raccrocher, hein. Si je la recroise et qu'elle redit une fois je t'emmerde à ma femme, ça va mal se passer. Eh ben ça va, mais moi je croise pas, c'est un cul. Pourquoi moi tu verrais me faire à moi? Mais bien sûr, tu verrais me faire à moi. Que ta femme arrête de dire je t'emmerde et c'est tout. Va niquer ta mère. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Va niquer ta mère. Quand t'es mort, je lui nique. Ah ouais? Ah toi t'es pas gitan, toi, hein? Eh ben viens. Mais je t'emmerde, c'est moi qui t'emmerde, je t'emmerde. Tu comprends ça? Je t'emmerde, toi, je t'emmerde, ta femme, et je t'emmerde, ton gosse. Eh ben ouais, moi je te nique tes morts. Mais bien sûr que de la gueule, de toute façon. C'est vrai que je t'emmerde dans la rue, mais après par téléphone, derrière, ça assume pas les textes. Non, il est parti, quand même, putain, il est temps, hein. Oh là là, ça a duré. Bon, et alors toi, ça nous a fait combien là? Ça nous fait 20-27. 20-27. D'accord, putain. Ah bah alors, David, comment te dire que t'es un peu dans la merde, là? Ça, j'avoue que putain, bon, Mickaël joue bien. Mickaël joue bien, normal, en même temps il a le bon prénom. Mais il a aussi eu des bons clients. Mais il s'est emmené l'insulte. Il les a bien emmenés. C'est vrai. Bon, David, la barre est haute, très haute, trop haute peut-être. Mais on verra, hein. On y va, David? Ouais. Allez, c'est parti. Mickaël, tu restes sur le côté deux secondes. Là, David, à toi de jouer. Comme tout à l'heure, tu dois placer un maximum de je t'emmerde, en l'occurrence plus de 27, avant que la personne ne raccroche au nez. Et il faut que la conversation soit une conversation normale, logique. Pas question de mettre des je t'emmerde les uns derrière les autres. Ok? On y va? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonne chance, David. Jusque-là, tout va bien. Ça sonne. On y croit. Sois bon, David. Ouais. Non, on n'a pas de bol, ça va être le répondeur. Bon, c'est rien, on appelle un autre, pas de problème. Hop là, on en a un autre sous la main, là. Allô, bonsoir, oui, monsieur. Oui, j'ai eu un courrier de votre part où il y avait écrit je t'emmerde, et à la fin, il y avait eu votre numéro. Ça m'étonnerait, là. Vous êtes trompé de... Non, c'est vous qui vous êtes trompé de numéro. Il a écrit votre numéro avec je t'emmerde. Ça m'étonnerait. Je t'emmerde, ça file de pointe, je t'emmerde. Votre langue. Ah, bah il a été bon là. Oh là là, David. Qu'est-ce que t'es chié, putain. Bon, t'as fait combien, Dof, là, David? Je reviendrai la prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, bah... Non, tu es banni. 4,5, parce qu'il y en a un, je suis pas sûr. Ouais, bon, bah 4, quoi. Bon, et bah 4,87, bravo, Mickaël. Ouais. Merci. Ça va, mon frère. Eh ben voilà, il suffisait de jouer là, tout va bien. Alors je vous lisais, il y a un auditeur qui avait envoyé le message. Salut l'équipe, dites-moi pourquoi personne fait le jeu du je t'emmerde sous forme de sondage. Ça ferait un malheur, il faudrait que je m'inscrive au jeu pour tester ça. Bah évidemment, t'es le ou la bienvenue puisque t'as pas laissé ton prénom. Donc n'hésite pas, hein, tu joues toutes les semaines, on fait ça, tous les mercredis soirs avec plaisir. Bon bah David, tu retournes chez ta mère les mains vides? Ouais. Bon bah salut David, hein. Ciao. Allez, ciao. Et puis Mickaël, bravo, le casque focal pour toi, Spirit One, c'est le tout nouveau en plus, le nouveau modèle qui vient tout juste de sortir. Je te passe Sandro, Nickel. On prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, ok? Je vais faire une petite dédicace. Vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Ouais, c'est à sa maman moitié qui est à l'hôpital actuellement, donc elle est pas avec moi. Oh bah c'est pas trop grave, j'espère. Bah elle s'est opérée demain, c'est assez grave, donc bon, on verra. Ah merde, bon bah on pensera à elle aussi. Demain, quelle heure? Ah ben demain 16h l'opération, donc c'est pour ça que je suis pas couché là, et c'est pour ça que heureusement que vous êtes là. D'accord, ok, très bien. Bon, elle écoute là pour ça. Ah, l'hôpital elle écoute pas, là, elle essaie de dormir, mais. Ah, elle essaie de dormir. Bon bah c'est pas grave, ouais. Tu lui feras écouter alors, c'est pas grave. Ouais, tu lui feras écouter ta victoire. Et c'est là que je me rends compte, en fait, on a une mission divine et spirituelle d'aider notre prochain. Tout à fait, aidons notre prochain, tout à fait. Bon bah bon courage à toi et t'embrasse ta copine, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laetitia. Laetitia, bon, on l'embrasse, y a pas de problème. Salut Mika. Ça marche, merci. Allez, ciao. Allez, ciao à toi, Mika. Bon, restez sur Fun Radio, on va parler encore des énervés dans quelques minutes. Il y a Jean-Pascal qui dit les appels malveillants, c'est mythique. La petite dédicace à ceux de Noirmoutier dans le 85 et au boulanger pâtissier. Hein, vous déchirez la team. Une semaine et demie que je vous réécoute, que du bonheur. Mais merci JP. Salut Mickaël, ils sont très forts, très très forts et fabuleux. Ah oui. Ah, bah, il était bon là, le Corse. Oh là là, alors le Corse, c'est improbable. Mais alors, il faut. Il faut le rappeler avec Toff pour demain, je t'en supplie. Oui, on va peut-être garder son numéro. Oui, on l'a gardé. On l'a gardé. Bah, nous voilà rassurés. Mathilde aussi, mais le je t'emmerde, vous les sectionnez où? Eh bah écoute, on prend les numéros au hasard là pour le coup. Mister Steven qui dit là il est nickel, t'appelles Mickaël, vraiment très fort. Et Valo aussi, violence t'appelles. Ils ont un gosse de 4 ans, mais les insultes fusent. Non mais ça qui est énorme, c'est que ouais. Toujours t'es en train de m'appeler espèce d'enculé, tu vas réveiller mon gosse. Mais il dit ça en hurlant. Donc... Je te baisse, t'es mort. Oui. La fille de 4 ans doit entendre ça. Bien sûr, mais sauf que si le petit ne s'est pas réveillé à cause du téléphone. Bah forcément il va se réveiller parce que l'autre est en train de hurler dans le téléphone. Ah ouais. Donc là ça c'est évident, hein, que ce soit clair. Bon, continuez avec vos messages, hashtag Mickaël sur Fun. Steven qui dit, ah non c'est Steven Sophie, alors je sais pas si c'est Steven ou Sophie. Ça fait 6 mois que j'écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Ah bah vas-y, il suffisait de demander. T'as envie de te faire enculer? Hein? Mais putain, laisse-toi enculer, allez merde. Allez, fais voir moi ton cul. Eh oui, voilà, du message de bienvenue, il suffisait de le demander, tu l'as eu, y a pas de problème. Bon, c'est resté sur Fun Radio évidemment, on est au cœur de la nuit sans pub. On va prendre Thibaut dans quelques minutes. Salut Thibaut. Salut. Ouh, t'es un doux toi? Oui, je suis un doux. Et tu veux devenir doux officiel? Tout à fait. Bon, on fait ça dans quelques minutes. Reste avec nous. On va prendre Nico et Gadjik également, qui voulaient réagir par rapport au mec qui s'énerve un peu rapidement. Et puis on aura Mélanie avec nous. Salut Mélanie. Salut. Ça va bien? Non, ça va pas trop. Ah, bah, ok, bon, bah, qu'est-ce qui va pas, Mélanie? On parle de quoi dans quelques minutes avec toi, Anime? On parle de mon mec qui m'a trompé avec ma mère. Oh l'enculé! Bon, reste avec nous, on en parle après. Tu restes là, Mélanie? Oui, je reste là. Oh la violence! C'est vraiment des bâtards, les mecs. Les enculés, c'est clair. Bon, en même temps, la mère. Je baisse, c'est mort, voilà. Ouais, ouais, bah exactement. Et moi, je peux la baiser, la mère. Enculé, ou pas. Baisse, t'es mort. Voilà, c'est ça. Bon, allez, minuit 2 sur Fun Radio. Il y a dans quelques minutes nos amis, les teubés de la télé qui vont débarquer, évidemment. Et puis, on se fait, bah, comme promis, au cœur de la nuit sans pub, le son de David Guetta sur Fun Radio. C'est parti, le nouveau son que vous avez découvert sur Fun Radio, c'est Blast Off. Et il y a, c'est parti, hein, ça fait la troisième minute, Cameroun-Croatie, 0-0, évidemment. Et on vous tient au courant, bien entendu, s'il se passe quelque chose avant 2h du mat, on est en direct sur Fun Radio, bienvenue. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on est toujours en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. Je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot à gagner. Il reste 25 minutes pour vous inscrire. Quel est le nombre de fois, enfin en gros, combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Si vous avez la bonne réponse, il y a des maillots de foot à gagner, des paires de chaussures de foot avec crampons, des Nike, des Puma ou des Adidas. C'est vous qui choisirez. Et le ballon de foot également à gagner. Si vous voulez donc gagner ça, on file ça tous les soirs pendant la Coupe du Monde. Eh bien, vous envoyez simplement M-I-K-L, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort dans 25 minutes, eh ben, je vous appelle en direct et vous repartirez tout simplement avec le maillot au choix. Donc, si vous voulez l'équipe de France, suffit de demander. L'Italie, pourquoi pas? Le Portugal, l'Espagne, bref, n'importe quelle équipe qui participe à ce mondial 2014. Allez-y, bonne chance tout le monde. Il y a Julien qui dit ce son de Guetta, il te baisse tes morts. Judicael qui dit les appels malveillants, c'est mythique, dédicace à Noir. Ah oui, j'avais déjà lu, autant pour moi. Benjamin qui dit pour me récompenser, Mickaël, de ma fidélité depuis tant d'années, passe Man Down de Rihanna, s'il te plaît. Ah, ok, ok, alors attends. Je vais le chercher là, mais ram pam pam pam. J'aime bien. Pam, pam, pam. Alors attends, Man Down, Man Down, Man Down, Man Down. Où est-ce qu'il est celui-là? Je regarde en direct. Hein. Man Down, il est là, il est là, il est là. Eh bah, c'est parfait. Je crois qu'on va ram pam pam p dans quelques minutes là. Attends, il est là. Ram pam pam pam. Cool. Ah bon, on va le mettre tout à l'heure, tiens, avec plaisir. Ouais, ça va être cool, ça va changer un peu, ça va être sympa. Bon, vous restez bien sûr Fun Radio. On se met les teubés de la télé, évidemment, comme tous les soirs. Je sais que vous aimez bien, et nous, on parle, et nous aussi d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs d'éjaculation précoce tout à l'heure avec Tov dans les appels malveillants. Eh bon, on va y rester avec un petit reportage sur les tournages de films X, que Tov connaît bien, bien entendu. Hein. Bien sûr. Ah bah oui, tournage de films X, donc. Et ils ont des questions assez intéressante. Tu laves en même temps les Jacques ou un par un? Bah, ils ont l'idéal en même temps. Tu t'occupes pas de moi, tu fais ton éjac et moi je te suis, je te la fais en même temps. Ok. Et voilà. Il s'occupe pas de moi, je vais la faire en même temps. Le mec, il se croise sur un vrai film, un Spielberg et tout. Bah, c'est alors, un film de cul, c'est un vrai film de cul, ouais, voilà. Ils sont cons, alors. Bon, est-ce que vous savez comment on appelle quelqu'un qui regarde un film de cul? Non. Non, bah, je vais vous l'annoncer. Je vais vous l'annoncer. En tant que masturbateur, si tu vois une scène où tu sens que les gens s'amusent pas, bah, tu te masturbes pas. On est d'accord. Pour réussir à donner. En tant que téléspectateur, ouais, tu veux dire. Oui. Ah oui, masturbateur, c'est le téléspectateur. Oui. Parce que quoi, le but des films porno, c'est de se masturber. Bon, on est d'accord. Ah non, c'est pour regarder du grand art. Ah oui, tout le monde le savait, je comprends pas. Et puis dans les ch'tis, contre les Marseillais, Adixia est face à un grand dilemme. Il y a un côté, j'ai un coup de cœur pour Paga, mais de l'autre, il y a Charlotte, tu vois, je me suis réconciliée avec elle, je peux comprendre ce qu'elle a souffert et tout ça. J'ai peut-être promis quelque chose à Charlotte, mais c'est pas ma copine à la base, donc c'est pas grave, c'est une promesse volée en l'air, tant pis, je la jette. Ah bah voilà, tu la jettes. Volée en l'air, tant pis, je la jette. Oh, elle est bonne, Adixia. Hein. Ouais, au sens propre comme au figuré. Je la démonte. D'ailleurs, Adixia, si tu m'écoutes, je te baise là. On l'embrasse. Qui était passé nous voir, Adixia? Ouais. En même temps, c'est une copine de nous, donc c'est plus facile. Bon, parfois on a honte, hein, mais bon, la majorité du temps, on l'aime bien quand même. Bah oui, bah oui. Et une mention spéciale pour sa meilleure amie Lolita. Bien si entendu. Elle écoute, on t'embrasse. Bien sûr. Elle est aussi bête qu'elle. Ouais, voilà. Et Alessio qui dit salut toute l'équipe, il y a moyen de me souhaiter un bon anniversaire. J'ai 18 ans depuis 8 minutes. Non! Bien au cul. Eh bah, bon anniversaire à toi. Attends, je vais te mettre la petite musique qui va bien là. Voilà. Allez, bon anniversaire à toi. Eh bah, depuis 8 minutes, bah depuis 10 en l'occurrence maintenant là. Bravo à toi et puis bon anniversaire, 18 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y a Antonin qui dit le bac français, finger in the nose. Je déconne. Ouais, bon, bah tant pis, il sera pour la prochaine fois, Antonin. Ouais, de toute façon, tu peux le repasser une fois par an. Mais ça oui, va, ça évidemment. Et puis juste LOL qui dit Forza Portugal, kiss Mickaël. Eh bah, évidemment, on sera tous derrière, surtout moi. Bon, on verra ça. C'est dimanche soir qui joue les Portugais, les Belges aussi d'ailleurs. Bon, on va prendre. On va terminer avec les énervés là. Nico qui est avec nous de la Ciotat là, t'es toujours là Nico? Toujours. Bon, bah bienvenue à toi Nico. Alors, on en parlait en début d'émission et 1-0 pour les Croates face au Cameroun à la 10e minute. J'avais dit que je vous tiendrai au courant, c'est chose faite. Bon alors, tu t'énerves souvent, on en parlait puisqu'il y a un mec qui est sorti d'une voiture. Si vous voulez, il y a un mec qui est en train de se garer. Comme celui de derrière trouvait que celui qui se garait n'allait pas assez vite, le mec de derrière a sorti une batte en fer et il lui a pété la gueule au mec de devant. Normal. Parce qu'il n'allait pas assez vite. Évidemment, grâce à ça, il a été beaucoup plus vite. Hein. Ah bah, évidemment. Ah bah, c'est clair. Donc, du coup, on se demandait si vous vous étiez déjà énervé, en regrettant surtout, et si vous n'avez pas regretté, pourquoi. Donc, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour t'énerver? Explique-nous tout ça, s'il te plaît, Nico. Alors, je vais tout expliquer. Avec plaisir. Alors, on va dire que je m'énerve assez rapidement après un collègue. D'accord. Parce qu'il est très, très, très, très con. Ouais. Mais bon, c'est mon collègue, je l'aimais quand même, mais bon. Il est con. Je dirais qu'il est... Oui, oui, oui, c'est le terme qu'il faut employer. Je sais pas, il peut te dire... Il va te dire, la dernière fois, on a bouffé au resto, il a commandé un poisson. Et il te dit, putain, il y a des arêtes dans le poisson. En même temps, c'est normal, tu manges un poisson. Donc, ouais. C'est ça. Qu'est-ce après, que tu veux dedans, des après, il peut manger des... comment on appelle ça, les trucs de igloo, là. Et ah, les... Ouais, les... Je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle. Ouais, les poissons panés. Poissons panés, ouais, c'est ça, ouais. Après, je sais pas si tu connais le jeu 94 secondes chrono. Non. C'est un jeu de culture générale. D'accord. Qui est pas fait pour lui. Il y avait une question de département français en M. Ouais. Il répond Marseille. Eh bien sûr, tu l'as mis une patate. Non, bah, je vais pas le taper, c'est mon collègue, mais ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il réfléchit pas quand il parle. Enfin, il a plein de... Il me fait honte, en fait. Oui, non, mais là, d'accord, je comprends. Mais tu sais, on a le même problème avec Toff. Hein. Non, mais c'est vrai. Parfois, il nous fait honte aussi. Avec Polo, parfois, il a envie de lui mettre une droite. Mais on l'aime bien. Voilà, on le garde. Parce que c'est notre quota. Tu sais, on paye moins d'impôts quand on prend des... Tu sais, on a des quotas, parfois. Donc, on paye un peu moins d'impôts, du coup, grâce à ça. Putain, n'empêche. On devrait y penser, les gars, parce qu'au moins, moi aussi, je paierais moins d'impôts. Ah, mais tu peux avoir des aides en plus. Mais bien sûr, il peut être blindé, le mec. Voilà, t'as qu'à se faire passer pour un débile. C'est le cas, hein, d'ailleurs. Mais c'est ça. Tu dois même pas faire un effort. Hein. Mais c'est ça. Eh, venez, on dépose un dossier. Ouais, vas-y, voilà. On fait un dossier. C'est ça, complètement con, voilà. Et en plus, ils vont appeler les flics pour voir. Oui, appel malveillant à caractère pornographique. Le mec passe ses soirées à faire des appels à tout le monde. Ok, c'est bon, il est déclaré officiellement inapte, dangereux pour la société et pour lui-même. Si on dépose Damien, le canulariste, Anthony, le laveur de tombe, mec, on est blindé. On est blindé, je pense, c'est clair. Attends, il y a Gadjik aussi qui est avec nous, là. Salut, Gadjik. Gagik. Putain, chaque fois je me fais baiser. Ouais, et bah c'est comme Mickaël a dit, c'était Gagik, c'est Gagik. Voilà, ce sera Gagik. Je vais y arriver. Ouais, c'est quoi ça? Bon, bah Gagik, bon. Toi aussi t'es du style à t'énerver rapidement? Ah ouais, carrément, beaucoup même. Hein. Bah surtout sur les mecs qui arrivent pas à dire son nom. Ouais, mais il va vite se calmer, sinon je lui mets une petite patate là, il va te calmer le Gagik là. Vas-y, ouais, Gagik. En fait, y a le mec, j'aime pas sa gueule, du coup je fous une baguette, je le couds au sol et je commence à tabasser. Ouais, on fait pareil avec Toff. On aime pas sa gueule, dès qu'il commence à courir, paf, on lui met un croche-pied, il tombe, on défonce sa tête. Non mais t'es complètement con, pourquoi tu fais ça? Eh, hey, Gagik, Gagik, t'as un prénom de merde, c'est pas pour ça qu'on va te tabasser. Ouais. Ah bah oui, voilà, c'est pareil. Non, ça se fait pas, Gagik, t'es en train de te la ramener là, j'espère que c'est pas vrai, t'es juste en train de passer à la radio pour te ramener. Non, en plus, le truc c'est que je regrette pas, parce que ce mec c'est vraiment un sale chien en fait, c'est celui que j'ai tabassé surtout. Oui, mais ça sert à rien, c'est pas parce que tu vas le tabasser que ça deviendra qu'il sera plus un con. C'est bon, ignore-le, et puis voilà, c'est le meilleur des trucs que t'as à faire. Parce que le jour où il va se réveiller, parce que là il se laisse peut-être faire, le jour où il va te mettre une vraie patate ou qu'il va débarquer avec des potes ou la famille, là, c'est rien. Mais tu sais pas, ça risque pas, mais un jour tu vas nous rappeler, tu vas dire oh, salut, je m'appelle Gagik, j'ai plus de dents. Les Espagnols ont dit ouais, on va gagner la Coupe du Monde, regarde, ils sont où? Hop. Je sais pas s'ils l'ont dit. À la maison. Au début. Enfin bon, en tout cas, voilà. Ouais. Je pense dans l'armée du tout. Non. Pour l'instant, tu vas d'abord te calmer. Quand tu seras, on veut pas de légionnaires, nous. On veut des vrais militaires, nous, dans l'armée des doux. Okay. Les légionnaires, ils ont tendance un petit peu. De quoi? Je peux dire un dernier truc aussi. Vas-y, Gagik. Bah, en fait, tu te rappelles une fois, j'étais passé, je t'avais parlé d'un pari. Ouais, bah, en fait, le pari se finit aujourd'hui là. Demain matin il est fini et si je le gagne pas rien en fait. D'accord, et c'est quoi le pari? En fait, si j'arrive à avoir plus de 4000 visiteurs sur mon site internet Gagik Vidéo MDR, je gagne 60€. Eh ben t'as perdu. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, hein, même au meilleur. Hein, parfois tu perds et puis parfois tu perds. Allez, les Espagnols. Allez, sans rancune, Gagik. Nico, merci à toi d'avoir appelé. T'as encore un truc à ajouter? Nico? Ouais. Ah, t'as encore un truc à ajouter? Ouais, deux petits trucs. Vous êtes sur Marseille dimanche, samedi, ouais, dimanche. Dimanche, samedi, dimanche, on sera sur Marseille. Ouais, venez d'ailleurs, ouais, pour le Party Fun Live. Hein. On va être nombreux, on va être plein là. On va faire la teuf, on va mettre teuf et tout. On va lui faire. On va le mettre sur la scène, on va le pousser de la scène. Ah. Tu veux, moi je suis sur la Ciotat, je connais un bon endroit, ils font des mojitos. Tu veux venir, ah, tu ah oui, enfin la Ciota c'est pas, enfin si, ouais si si ça va. Ah bah ouais, oui, vas-y, côté. Quand c'est où? C'est à côté de Marseille, c'est à 20 km de Marseille, même pas 20 km de Marseille, ça. Oui, oui, non, ouais, ouais, je vois où est la Ciota, mais je veux dire c'est où exactement, c'est quoi le nom? C'est le Rosetté sur la plage. OK, eh ben écoute, très bien, bah, tu viens avec nous ou pas? Allez, bah ouais, pas de souci. Bon, bah très bien. Bah fais-moi un mail, Nico, et puis comme ça on gère ça et puis on va boire un petit verre, bien sûr. Dimanche, bah, ah, venez, bon, nombreux, samedi dimanche, on sera à Marseille également. Et bah visiblement on sera un peu à la Ciotat également avec Nico. Voilà. Donc, ouais. C'est quoi ton mail? C'est, alors mikl@funradio.fr. Allez, ça va. Oh, bah, et voilà, un dernier petit truc, dis-moi. J'ai entendu que la demoiselle qui va passer après, elle s'était trompée par Ouais, Mélanie, ouais. Ah ben si elle veut, moi je suis célibataire. Eh ben reste avec nous, Nico, tiens, on va la prendre dans quelques instants. En plus elle anime, elle est pas très très loin non plus. Bon, reste avec nous, Nico. On va prendre de Thibaut dans un instant, notre ami Dou. Et puis il reste 13 minutes pour vous inscrire pour repartir avec les maillots de foot. Je vous explique comment ça se passe et comment faut faire juste après le son d'Armin Van Buren sur Fun Radio. Restez bien là, on est au cœur de la nuit sans pub. On est en mode tranquille, pas de pub jusqu'à la fin de l'émission. Les appels malveillants de Toff arrivent dans moins d'un quart d'heure. Et Armin Van Buren maintenant, c'est Ping Pong sur Fun Radio. Armin Van Buren à l'instant sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, ouais. Pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, vous restez bien là, évidemment. Les appels malveillants, c'est dans 10 minutes sur Fun Radio. Et la question, la dernière fois, c'est la dernière fois que je vous l'annonce, hein, la question, attention. Après, c'est trop tard. Bon, peut-être que je le ferai encore une fois, ouais, avant de donner la réponse, évidemment. Si vous voulez repartir avec les maillots de foot au choix, prendrais quel pays, toi, Apollo? Maillot de foot? Ouais. La France. La France. Ouais. Ou alors, non, il y en a un qui est beau aussi, c'est le... Du Brésil? Ouais. Non, pas le Brésil, parce que j'aime pas la couleur Argentina. Jaune. Non, les noirs, là. Belgique? Il y a la Belgique, et puis il y en a un autre qui était pas mal. Mais je sais pas. En noir, je, ouais, vois pas, tiens. Bah, c'est celui de la Belgique, alors il est bien parce que celui de la Belgique, ouais, il est bien. Ouais. Toff, tu prendrais? Ouais, moi j'ai repris la Belgique aussi, je trouve le noir il pète le... Bah, il est pas mal, après il y a le rouge aussi. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'ils ont fait le logo, tu vois, de la Fédé, super grand, ouais, quoi. Ouais. Bah, le voir, j'ai posé avec hier, j'ai mis sur le Facebook de l'émission, j'étais avec Karima d'ailleurs, qui avait le maillot de la France, et j'ai aussi mis ce soir une photo du maillot de l'équipe de Portugal également, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. On a tous les autres aussi, hein, tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, on vous les offre, il suffit de choisir. Si vous avez la bonne réponse, évidemment, la question: combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? C'est de toute l'histoire de la Coupe du Monde, bien entendu. 1, 2, 3 ou 4 fois, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse et vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort dans moins de 10 minutes, le maillot de foot sera pour vous. Et vous pouvez choisir, évidemment, celui que vous voulez, que ce soit clair. Bon, alors, on va récupérer Mélanie dans quelques minutes. Avant ça, Thibaut avec nous. T'es là, Thibaut? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Thibaut qui veut venir d'où? Est-ce que je peux faire un temps mort? Vas-y. Les gens, parce que je dis de temps en temps les tweets. Quand j'ai dit le maillot noir, on parlait pas de la couleur de peau, hein, mais les t-shirts. Parce que les gens disent la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Non. On parle de t-shirts. Bah, le Cameroun, par contre, c'est dur. Ils sont en train de jouer là. Les chaussettes jaunes, le short rouge foncé et le haut vert. C'est quand même bien laid, hein. Rastafari. Ah putain, mec, les couleurs là, c'est quand même dur. Et alors les Croates, là, on dirait qu'on a une course automobile. Le drapeau est d'Amir. Ah, ouais, c'est ouf. C'est bizarre là. Les couleurs sont bizarres là. Ouais. Enfin bon, allez, Thibaut, tu veux devenir d'où, toi? Tout à fait. Bon, bah, je te passe Polo alors, hein. Général Thibaut. Et garde à nous. Est-ce que tu veux rentrer dans l'armée des doux? Tout à fait. Moi, Polo, général en chef et grand maître de la confrérie des doux, je peux accéder à ta demande, Thibaut. Mets-toi à genoux. C'est fait. Très bien. Insulte-toi. Je suis un connard, un salaud, un enculé, un salopio. Un salopio. Encore, tu peux faire mieux. Allez, je sais ce que tu veux dire, vas-y, lâche-toi. Un saltof. Un tof. Bon, parfait. Est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Tout à fait. Allez, tape-toi sur la tête. Là, c'est vrai, tu sens que c'est ça. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Thibaut? C'est comme si moi, je me tape sur la tête. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Hein. Thibaut? Tu peux être doux, Mickaël. Tu peux devenir doux? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oui. Tu as accès à la douceur. Tu es doux, bravo! Ouais. Allez. Et tu seras, comme tu as une façon de parler un peu classe, tu seras le doux dandy. Le doux dandy? Pourquoi? pourquoi pas. Et ben voilà, le doudon dit. Bon bah Thibaut, tu sais que tu as une lourde tâche pardon sur les épaules, puisque tu vas devoir prévenir tous tes potes d'écouter l'émission si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, tu vas devoir prévenir le bahut complet, d'accord? D'accord. Bon, je compte sur toi. Et c'est 101.9 pour écouter Fun Radio Paris. Hein. Je peux passer deux dédicaces? Bah évidemment, puisque t'es doux, c'est la règle. Comme tu es doux, tu as accès à l'élite. Alors attention, vas-y, deux messages. Une dédicace à ce connard de Paul. D'accord. Et puis une autre à ce bolos de Kevin. Ok, et ben voilà, le connard de Paul et le bolos de Kevin, on les embrasse, pas de problème. J'ai ramené Paul il y a 3 jours, est-ce qu'il peut avoir un message de bienvenue? Un message de bienvenue? C'est quoi, ouais. Ton pote, c'est un connard ou pas? Ouais, un gros. Un gros enculé? Ouais, tout à fait. Attends, mais je vais lui en mettre un bon là. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts. Bah, moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Ouais. Hop là, comme ça c'est plié. Ça roule. Salut Thibaut, salut le doux. Je peux avoir ma conne ? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro. N'oublie pas d'ailleurs de mettre ton nouveau pseudo de doux sur ton Facebook, Twitter et Instagram, évidemment, Thibaut. Ok, ouais, y'a pas de soucis. Bon, salut à toi, ma gueule. Ciao à toi, merci. Thibaut. Allez, bye à toi. Bon, il y a Mathieu qui dit, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent ça m'énerve. Du coup, quand je dis ça m'énerve, quand je dis ça, je m'énerve moi-même. Voilà. Et Matt aussi qui envoie son message. Salut les gars, je peux avoir un message de bienvenue également, s'il te plaît, je vous kiffe grave. Sauf Tof. Bah encore heureux. Oh, le pauvre. Va enculer ta mère, je la baise, par tous les trous. Hein, elle aime la bite. Voilà. Et Kalash sur le Twitter aussi. Moi, je m'énerve chaque fois que mes neveux me font chier, mais après, je leur fais un câlin pour me faire pardonner. Bah, ça vaut bien la peine, tiens. Et Steven Sophie qui dit masturbateur mort de rire, what the fuck. Oui, on a appris que les mecs qui regardaient les films porno étaient des masturbateurs. Et alors, il y a un message de Félix qui dit, est-ce que vous avez déjà eu une meuf qui ne parle pas? C'est super sérieux. Non, j'ai jamais eu une meuf qui ne parlait pas. Non, moi non plus. Parfois j'aurais aimé, mais non. Ouais, peut-être bah, une muette. Bah peut-être. Ouais. Oh, Anthony aussi. Bien. Anthony sur le Facebook. Bonsoir, c'est génial ce que vous faites. J'aimerais vraiment gagner le maillot de l'Italie. Comment fait-on pour participer? Merci d'avance. C'est mort de rire les appels. Je vous écoute en direct sur Fun. Je suis plié. Ah bah c'est cool, Anthony. Bah, on fera d'autres appels dans 5 minutes et on donnera également la réponse à la question pour repartir avec les maillots puisque tu posais la question. Et pour gagner, c'est archi simple. Il suffit simplement de répondre à la question. Combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois? Et si vous avez la réponse, vous envoyez M-I-K-L, les quatre lettres collées en un mot, donc suivi de la réponse. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Alexandre qui dit salut l'équipe, Tof, je veux le quick aussi. Je peux avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. Je vous écoute depuis le début de l'année avec grand plaisir. T'as envie de te faire enculer? Hein, voilà, et je rappelle que Tof paye son quick dimanche à Marseille, 16h sur le Vieux-Port, au quick qu'il y a sur le Vieux-Port. Hein, donc venez nombreux et nombreuses, il n'y a pas de limite, pas, j'annonce. Pas trop non plus. Hein, si, que... si, venez nombreux et nombreuses, nos limites. Ouais, et Mickaël, nos limites. On va faire un Tof nos limites exprès là. Bah, si, ouais, on va changer le logo exprès, juste pour, allez, juste pour l'occasion. Bah, enfin, après, si la carte passe pas, la carte passe mais pas. Mais si elle passera, allez, bon, attention, quand je dis nos limites, c'est un menu par personne. Ouais, commencez pas à commander 17 menus par tête. Hein. Donc un menu par personne, vous venez pépère. Bah ça tombe bien parce qu'il ne va pas en vacances, donc il va tout dépenser voilà, là-dedans. Bah bravo Christophe, bonne idée, bah c'est très bien. Donc voilà, dimanche 16h sur le Vieux-Port à Marseille, on vous attend nombreux et nombreuses. Et en plus on aura des cadeaux pour vous. Bon Mélanie. Oui. Oh là là là là, mais quelle angoisse dont tu nous as parlé là juste avant le son de d'Armin Van Buren là. C'est un truc de ouf, tu nous avais dit que t'avais grillé ton mec en train de te tromper avec ta mère. Avec ma mère, ouais. Avec c'est ta un mère truc de ouf. Avec ma mère. Bon, alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, raconte. Quel âge à maman? Déjà, quel âge à ta mère? Quel âge elle a ma mère? Elle a bientôt 50 ans. Et ton mec, il a quel âge? Mon mec, il a la trentaine. Oh putain, mon dieu! C'est chaud, mais comment il est. T'as une meuf de 23 ans, t'as 30 ans? Comment t'as envie d'aller taper une meuf de 50 alors que t'en as une toute fraîche c'est à la maison? Alors il faut que je vérifie un truc. Mélanie, combien mesures-tu? Combien je mesure? Je mesure 1m67. Combien pèses-tu? Je pèse 64 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Sérieusement? Sérieusement. 90C. Oh là là. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 38. Ah oui, il est complètement con alors. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Il est complètement con là, pour le coup le mec hein, c'est... Ou alors ta mère fait beaucoup moins que son âge et aussi bien roulé que toi, mais j'en doute bon, quand même. Combien mesure ta mère? Je sais même pas, c'est quoi. Bon écoute, t'as vécu lui depuis combien de temps? Depuis 4 ans. C'est un truc de dingue. T'as discuté avec lui depuis ou avec ta mère depuis que tu les as grillés? Non mais attendez, je vais vous expliquer, on a un enfant ensemble. Oh là là. Mais il a baisé la grand-mère. Mais quelle horreur. Écoutez, je vais vous raconter en fait. Dis-moi. C'est chaud. je suis rentré chez moi. Attends, on a pas une petite musique parce que là, attends, musique d'ambiance. T'offres du popcorn, s'il te plaît. Mais bien sûr. Popcorn, on est comme dans un film. Vas-y. Non, c'est pas celle-là, ça va pas celle-là. Attends. Non, faut un truc, c'est musique romantique. Dramatique. C'est pas romantique, Toff, il a baisé une vieille. Attends. Dramatique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique dramatique? Attends, bouge pas. Non, ça c'est dramatique, ça c'est trop dramatique. C'est un film d'horreur. Non. Ça c'est mauvais film d'espionnage. Ouais, bah une seconde. Voilà. Le grand bleu. Ah oui, le grand bleu. Pour la vieille, c'est bien. Bon, vas-y, explique ton histoire. Ben, je rentrais chez ma petite sœur en fait. Ouais. Et au moment où je rentre chez moi, je rentre dans le salon et je vois personne en fait. D'accord. Et je trouve ma fille sur le canapé en train de dormir. Ouais. Et je monte dans ma chambre. Ça va, déjà au moins elle a pas assisté à ça. Non, encore heureux, il manquerait plus que ça. Quel connard ce Toff. Oh là là. Et puis et quand je suis montée dans la chambre, je les ai trouvés à poil. Elle sur lui. Le pire du pire, je suis restée choquée. Quel drame. Et voilà, non mais c'est pire qu'un drame là. Ah bah oui, là je me mets à ta place, tu m'étonnes quand je te dis ça va Mélanie, mais non pas trop. Bah oui forcément ouais. Oh putain, et tu leur as parlé depuis ou pas? Non, je leur ai pas parlé en fait, je voulais que vous les appeliez en fait. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Mais attends, mais ils ont vu que tu as vu ou pas? Comment? Mais oui, ils m'ont vu. Donc ils t'ont vu. Et c'est arrivé quand ça? Mais c'est arrivé, j'ai dit tout à l'heure à la femme que j'ai parlé au standard. À Sandro. C'est arrivé il y a 2-3 heures. C'est arrivé il y a 2-3 heures. Oh, bah écoute, on peut les appeler. Mais tu veux qu'on appelle ta mère ou ton mec? Non, mon mec, je parie que cette salope, elle est encore avec lui. Hey, doucement, parle pas comme doucement, ça, ta mère. C'est ta mère. Enfin, c'est oui, une grand-mère, attends, c'est une vieille dame. C'est tout. C'est... Non, mais c'est tout frais, ça se fait pas, sa fille. Attends, ils sont sérieux. Non, mais je sais, mais bon, moi, je me regarde pas comme ça, non, Mike, j'ai rien fait. Non, mais attends, mais je serais vénère aussi, c'est normal. Ah oui, non, mais bien sûr qu'elle est vénère, mais je suis pour rien, moi. Elle a baisé la vieille, elle a baisé la vieille. Putain, le scandale. Bon, reste avec nous, Mélanie. Tu vas donner le numéro de téléphone à Sandro, on va l'appeler dans quelques minutes. Tu restes là. Bah, du coup, Nico. Oui. Toujours intéressé ou pas? Ouais, moyen, non, on va éviter ça. Ah, il y a un enfant, l'histoire est un peu glauque. Hein. Bon, c'est parce que Nico nous avait appelé pour autre chose et puis finalement il s'est dit bah écoute, il y a Mélanie là, éventuellement, je suis célibataire moi aussi, donc finalement il fait marche arrière. C'est chaud. Oui, eh bah salut Nico alors. Méfiez-vous je toujours. Je suis désolé, j'ai failli de Morito. Ah bah avec plaisir, alors Nico, bah on vient deux fois alors avec plaisir. Bon, oublie pas de me faire un mail et on viendra à la Ciotat boire un petit verre, un petit mojito ce week-end, sans problème. Allez, ça va, je t'envoie un mail ce soir. Alors. Ça roule. Salut Nico, ciao à toi, à bientôt. Allez, ciao. Bon, on va se mettre le son de Black M avec Sur ma route. Juste après, on fait les appels malveillants. On donnera également la réponse à la question avec un tout petit peu de retard. Combien de fois l'Italie a-t-elle remporté la Coupe du Monde? 1, 2, 3 ou 4 fois? Si vous voulez jouer pour repartir avec vos maillots de foot ce soir, eh bien, c'est très simple. Maillot de foot d'une des équipes de la Coupe du Monde. Vous choisirez celui que vous voulez, bien entendu, y compris l'équipe de France. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS. Combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? Eh ben, je vous souhaite bonne chance. Il est minuit 31. Sur Fun Radio, il y a Lydie qui dit c'est horrible l'histoire. Non mais c'est clair, Benjamin aussi, ça craint sérieux cette histoire là, quelle horreur. Bon, continuons à en parler, juste le temps d'écouter Black M, c'est Sur ma route sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimitch qu'à 2h. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Black M à l'instant sur Fun, c'était Sur ma route. 23h, 2h. Mickaël Nolimitch sur Fun Radio. Fun Radio. On est toujours en direct évidemment, minuit 35, et on va appeler maintenant le gagnant, la gagnante. Là c'est parti, du maillot de football qui est à gagner, offert par Pro Direct Soccer comme tous les soirs. D'ailleurs, si vous voulez aussi votre maillot, si vous voulez pas gagner, vous pouvez aller sur le site, hein, mec de confiance, rassurez-vous, vous pouvez commander votre maillot, les chaussures de foot, même le ballon d'ailleurs, sans aucun problème. Allez, c'est parti, on y va, on appelle celui ou celle qui a envoyé la bonne réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Eh bien on l'appelle, s'il décroche et répond à la question, c'est gagné. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Damien. Salut Damien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. T'es dans quelle ville, Damien, là? Montauban, côté de Toulouse. Montauban, côté de Toulouse, très bien. Et est-ce que tu sais, bah oui, est-ce que tu sais combien de fois l'Italie a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 4. 4 fois, eh ben c'était 1, 2, 3 ou 4, et oui! Yeah. Eh ben bravo! Merci. Bravo. Eh ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu veux maillot de foot? Tu veux ballon de foot? Tu veux les chaussures de foot? Tu veux quoi? Maillot. Très bien. Et maillot de quelle équipe? L'équipe de France. Encore? Mais y'a que ça là. Et ouais, mais écoute, pour une, ça fait longtemps que l'équipe de France nous faisait pas rêver, donc. Bah oui, bah je crois qu'il y a eu une seule demande du Portugal, si ouais, me disais vraiment. Ouais. Et d'Italie. Ouais, mais quand tu vois le score du Portugal, excuse-moi, mais. Je dis pas ça, je dis juste que pour l'instant il y a une seule demande, un seul auditeur qui est passé pour le maillot de foot. En même temps, ne fanfaronne pas. Ne fanfaronne pas. C'est ça. Hein, profite de ta victoire, on sait jamais. Mais il faut pas fanfaronner. Regarde les Espagnols, ils fanfaronnaient. Et ils sont tombés de haut, les pauvres. Hein. Oh, on est d'accord, tu en as fait le même adversaire. Bah voilà. Donc, ne pas fanfaronner. Parce que c'est ton Honduras. Donc, ne pas fanfaronner. Avant que je tape sur les doigts, attention. C'est clair. Bon, bah, bravo à toi en tout cas. Le maillot de l'équipe de France est pour toi. Tu restes au standard. Et comme je le dis à tous ceux qui choisissent le maillot de l'équipe de France, on va pas te l'envoyer tout de suite. On va attendre la fin de la Coupe du Monde. Des fois, qui gagne la Coupe du Monde, qu'on puisse mettre la deuxième étoile, quoi. D'accord ? Ah, oui, on va pas t'envoyer un maillot avec une seule étoile alors qu'il y aura peut-être deux étoiles à mettre, hein, ce serait dommage. Bon, eh ben, bravo à toi en tout cas, et puis bah tu reviens quand tu veux. Salut à toi, à bientôt. Allô ? Oui, bientôt. Ah, bah à bientôt, hein, dis donc. C'est mec, ouais, j'en ai rien à foutre, moi j'ai mon maillot, je me casse. Rien à foutre. Bon, retour avec Mélanie dans quelques secondes. Là, elle a trouvé son mec au lit avec sa mère, elle veut appeler son mec en direct. Eh bien, nous allons le faire évidemment avec plaisir. Mais avant cela, ce sont les appels malveillants. Ah, oui, avec plaisir. Appel malveillant, c'est parti. Donc, on va donc continuer à appeler hein, pour savoir si les gens qu'on appelle ont des problèmes de d'éjaculation précoce. Oui, tout à fait. Puisque apparemment, il y a quelqu'un qui a dit que c'était quoi ? C'est un professeur, c'est qui ? Non, c'est en fait c'est une étude qu'il y avait sur un site et qui dit que en fait les médecins se sont rendus compte que les mecs qui prenaient du Prozac, ça rallongeait leur rapport c'est sexuel. Ah oui, Tof qui a trouvé ça sur un site comme par hasard, c'est trouducul.com. Hein. C'était lui qui le fait. Hein, il le met à jour tout le temps. Tout sur le trou de balle. Mon blog personnel. Voilà. Bon, donc du coup, on appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et je rappelle que si vous connaissez des gens, amis ou ennemis, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a besoin juste de numéro de téléphone, pas du nom, d'Irène, ni quoi que ce soit. Et on balance pas qui nous l'a envoyé, rassurez-vous. Vous envoyez les numéros de téléphone des gens aussi sympathiques que celui-là. Va te faire enculer, mais t'es mort. Et bah voilà, ou celui-là par exemple. De trou du cul. Voilà, ou même celui-là. Mais va te faire enculer, moi je te dis, je vais te faire un anus limbus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute, va. Voilà, bon bref, dans toujours la grande gentillesse quoi. Bon, et ben on y va, c'est parti, on appelle. Allons-y. Allez, c'est parti. Et merci pour tous ceux qui ont envoyé les numéros, hein, c'est cool. Ça nous fait notre marché, nous on est plutôt contents. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir vous étiez éjaculateur précoce, monsieur. Ouais, non, mais attendez, c'est quoi ça? C'est une question, monsieur. Non, vous êtes quoi? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Tof. Pardon? Je suis Tof, monsieur. Vous êtes Tof? Oui, c'est ça. Je connais pas, moi, ce mec-là. Ah non, non, on se connaît pas, monsieur, je vous appelle juste pour vous poser une question. Ah bon? Bah, moi, je vous réponds pas, moi. Bah, pourquoi, monsieur? Pourquoi vous appelez en appel protégé, monsieur? En fait, il est pas protégé l'appel, monsieur. C'est parce que c'est bloqué dans le téléphone. Du coup, le numéro il s'affiche plus. Ah ouais, ouais. Vous m'appelez en appel protégé pour me raconter des conneries le jour où il y a un match de Coupe du Monde, vous? Oui. Bah, présentez-vous, monsieur. Bah, je m'appelle Tof, monsieur. Je viens de vous le dire. Non, Tof, c'est quoi Tof? Branlez-moi Tof. Donnez-moi votre nom. Bah, Tof, monsieur, c'est mon nom. Ah ouais, c'est votre nom, Tof. Oui. Je connais pas du tout. Allez. Non mais on se connaît pas, allô. Oui enfin bon ça va, c'est un flic. Cameroun Croatie. Ah mais ça a l'air d'être un vrai fan lui. Ah hein. Ou alors il est croate ou camerounais, je pense. Ah il y a peut-être de ça ouais. Bon attends on va le rappeler. Vous m'appelez quoi là, qu'il y a un match de la Coupe du Monde ou? On dirait un flic hein. Ouais mais tu sais c'est comme si c'était la finale là tu vois. Ouais. Allez on le rappelle, ça lui fera plaisir en plus d'avoir de nos nouvelles. Les cartons rouges pour le Cameroun. Oui. Oui, je m'excuse monsieur, mais vous avez toujours pas répondu à la question. Quelle question? Bah de savoir si vous étiez éjaculateur précoce ou pas monsieur. Bon écoute petit con, sac à merde là. Ou tu fermes ta gueule, ou tu te présentes, ou je t'ouvre en deux. Ok, t'es qui toi pour m'insulter comme ça? Mais je vous insulte pas monsieur, je m'appelle Tof. Oui, donc j'en ai à la branlée que tu t'appelles Tof, c'est quoi de toute façon? J'en ai à la pouille, je vais avoir ton numéro. Oui. Je vais te dire, je vais porter plainte, je vais t'ouvrir la gueule. Alors c'est quoi toi, ton problème? Mais j'ai pas de problème monsieur, je veux juste savoir si vous êtes éjaculateur précoce ou pas, c'est non tout. Mais c'est quoi ton problème toi? Tu vas m'emmerder longtemps là? Bah répondez à la question monsieur, ça sera tu plus simple. Tu vas t'enfermer longtemps toi? Résidu de capote, tu vas fermer ta gueule non? Mais... Le mec me demande si je suis éjaculateur précoce, voilà ce que j'ai comme communication au téléphone. Bah oui. Une espèce de sous-merde là, je sais pas ce que c'est. Une espèce de loc là, je sais pas ce que c'est là. Il y a une daube qui se présente même pas, qui a même pas les couilles pour se présenter. Si, je m'appelle... Donne-moi ton identité, t'as eu mon numéro où toi? Moi je m'appelle Tof monsieur, je viens de vous le dire. J'en ai rien à branler. T'as eu ton numéro où? Tu vas me casser les couilles longtemps? Bah jusqu'à ce que vous répondiez à la question monsieur. Non, t'arrêtes de me harceler au téléphone sinon je te dénonce. Mais je vous harcèle pas monsieur, c'est vous qui répondez pas à la question. Mais j'en ai rien à branler moi. Présente-toi sac à merde. Ah merde, il a raccroché. Non, bah, jamais, c'est une dope. Ouais, c'est clair. Bon, allez hop, on va le rappeler encore un coup, hein. Ah oui. Bon, et pour le coup, le carton rouge pour les Camerounais était justifié quand même. Ouais, le mec qui lui a donné un coup de poing dans le dos, le Camerounais, là, une violence au croate, le pauvre. Bon, allez, c'est parti, on y va, on rappelle. 41ème minute de jeu, hein. 41ème minute pour Cameroun-Croatie. Il avait d'Argentine, monsieur, en plus. C'est pour ça qu'on le rappelle. Oui, allô, monsieur. Allô, monsieur. Ah oui, il m'a l'air accroché. Bon, tant pis. Ah. Il est en plein foot là. Là, on peut pas. C'est indéniable. Ouais, en plus, il y avait une grosse phase de jeu. Là. Ah bah là, oui, bah là, c'est sûr. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On en appellera d'autres tout à l'heure. Continuez à balancer vos numéros de téléphone, les numéros de gens qu'on peut appeler. Vous n'hésitez pas. TOPH@funradio.fr. On remettra le couvert dans une heure. Frédéric, il dit c'est horrible. C'est l'enculé, sérieusement. Part avec ton enfant et nique-le, ce bâtard. Courage, Mélanie. Pas grave. C'est que sa mère. Hein, ça ne sort pas de la famille. Il se sentait bien avec sa belle-mère, hein. C'était peut-être pour lui rendre service. Oui, voyons le côté positif, au moins il s'entendait bien avec ta belle-mère, avec sa mère, pardon. Ouais. Bah oui, ouais, il a peut-être voulu faire un décrassage, tu vois, bah, c'était... C'est ça, c'est ça. Bon, c'était donc pour l'entretien. Tu nous as appelé, Mélanie, pour dire que t'as trouvé ton mec au lit avec ta mère. Tu l'as évidemment mal vécu, ce qui est normal, et tu veux qu'on l'appelle maintenant. Tu veux qu'on lui dise quoi, au juste? Savoir pourquoi il avait fait ça. D'accord, mais tu veux qu'on l'appelle nous ou tu veux l'appeler toi? Ben, je l'appelle moi. Ah, c'est mieux. Nous, on est derrière au pire, parce que si c'est moi qui l'appelle, ça va faire bizarre. Bon, bah écoute, bah vas-y, Mélanie. Bah, j'ai failli m'étouffer, moi. Bon, bah vas-y, Mélanie, vas-y, on y va. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Cédric, allez, vas-y. Il y en aura Damien juste après aussi. Le canulariste, bien sûr. Oh, allô? Allô? Allô? Franchement, t'emballes pas, pourquoi tu es parti comme ça et tout? Ah bah, t'aurais dû participer. C'est normal? Ils nous entendent pas là. Ah, on a dû un peu l'apéro et tout, tu as vu? Non, mais il est passé. Ah, excuse-moi. Désolé, il s'excuse quand même. Ouais, mais attends, tu oses me dire désolé, mais pour moi, c'est pas normal ce que tu as fait. Ah, mais je sais pas, ta mère, elle m'a un peu chauffé. Ah bah, c'est pas ma faute, tu comprends? Bah oui, c'est jamais de la faute du mec. Il y a des marques quand même. Tu sais comment je suis quand je bois un peu, voilà. Ouais, mais non, mais c'est pas des choses à faire. Mec, il veut qu'on l'excuse, il est ouf. C'est quand même ma mère. Bah ouais, mais après, que tu veux que je te dise. Ça aurait été une copine, ça passait. C'est comme ça, hein. Ouais, mais ça s'est fait comme ça, mais attends. Je sais pas, je sais même pas quoi te dire, c'est quoi, c'est dégueulasse. Bah, je sais pas, parle avec ta mère. Mélanie? Non, mais c'est bon, vas-y. Ah, parce qu'il est encore là. Je veux parler à ma fille, parle-moi. Mélanie? Quoi? Allez, Mélanie, ma chérie. Oh, c'est allô? Bon. Oh, quoi? Écoute, c'est pas assez absolument parce que tu crois. Il faut que tu viennes, il faut qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on se pose calmement. Je suis venue voir Cédric parce que tu sais que jusqu'à maintenant je ne l'appréciais pas beaucoup. Nous avons beaucoup parlé. C'est vraiment parce que tu crois. Il faut que tu viennes, Mélanie. Tu es où, ma chérie? Mais ça te regarde pas là où je suis. Mais dans tous les cas, je vais pas venir. Non, mais sérieux, vas-y, arrête, lâche l'affaire. Mais c'est tranquille, pas possible. Arrête, tout. Ne fais pas ça, Mélanie. Je t'en prie, Mélanie, ma chérie. Mélanie, en fait, vous êtes dépensée. Écoute, Mélanie, c'est absolument pas ce que tu crois. Il faut que tu viennes à la maison, qu'on en parle calmement. Tu vas pas réagir comme ça, non? On va pas s'arrêter sur quelque chose qui est mal vu, mal interprété quand même. Mal interprété. Comment tu veux mal interpréter? Vous avez couché ensemble. Ma chérie, c'est absolument pas ce que tu crois. D'accord? Mais viens à la maison, on en discute calmement, d'accord? Mais je vous ai vu quand même. Écoute, ma chérie, je voulais m'expliquer, je sais pas quoi dire, je t'en prie, viens à la maison qu'on en parle, je t'en prie. Non, je veux pas venir, je suis désolée. Bah... Attends. Non, c'est Nîmes. Ah oui, c'est Nîmes. C'est toi qui me répétais sans cesse tous les jours, ne reste pas avec lui, c'est pas quelqu'un de bien, ne reste pas avec lui. Bah, il a la preuve, hein. Bah, là, ouais. Et moi, je rentre, je vous trouve en train de... Alors, ce qui est fort, c'est que ça c'est pas ce que tu crois. Écoute, je t'en prie, c'est absolument pas ce que tu crois. Il faut que tu viennes à la maison, qu'on en discute, ma chérie. On va pas parler par téléphone, viens. Mais moi, je veux plus chialer, vous voir. C'est bon, j'ai plus envie de rester avec elle. Moi. Je t'en prie, Cédric, non, oh, bah, l'autre, il en rajoute derrière, là. Chérie, bon, attends, on va intervenir, là. Je veux bien à la maison, viens en discute. Bonjour, police des ondes. Non, non, c'est ça, ouais. Bon, attends, je vais intervenir. Putain, je sais pas comment mettre au milieu, là. Je peux pas l'accepter. Tu veux un doigt? Non, ta gueule, pauvre frère. De toute manière, que ce soit plus avec ta mère ou avec toi, ça sera pareil. Je t'en prie, tu arrêtes. Ma chérie, viens à la maison, je t'en prie, viens, on discute. Mais on va discuter dans tous les deux, je t'en prie, viens. Mais non, mais moi, je veux pas discuter avec vous. Mais ce qui est bien, c'est de passer du statut de copain à beau-père. Pourquoi toi, d'abord? Je sais pas comment rentrer dans la conversation. Je sais pas comment te dire. Je dis que tu t'appelles Toff. C'est comme si moi, demain, voilà, c'est ta mère et je vais avec ton mec. Tu vas le prendre comment? Je sais pas quoi te dire, ma chérie. J'avais beaucoup sur Cédric. Je me suis trompée. Écoute, viens à la maison. Quand non, tu vas tromper, au contraire, c'est un salaud. On peut pas s'arrêter sur ça. Il faut qu'on en discute, qu'on en parle. Ouais, je suis assez d'accord avec ta mère. Non, mais je vais parler de toi. Allô ? Mélanie. Allô ? Mélanie. Oui. Je suis assez d'accord avec ta mère, un peu en parler. C'est qui, Mélanie ? Oui. Tu es avec qui, là ? Ah, pardon. Nous sommes des esprits. Non. Bonsoir, madame. C'est la maman de Mélanie, là ? Oui, qui est-ce ? Bon, c'est Mickaël. Du téléphone. C'est Mickaël. Vous êtes en direct à la radio sur Fun Radio. Elle nous a appelé en catastrophe. Oui. Oh mon dieu. Ah bah oui. Bon, elle nous a expliqué un petit peu la situation là. Bon, j'avoue qu'on avait un peu de mal à y croire, mais là oui, apparemment c'est arrivé. Donc je sais pas trop quoi dire. Mélanie, je suis d'accord avec ta mère, peut-être en parler sans en venir aux mains. Je pense qu'il vaut mieux laisser Cédric de côté parce que lui, je pense qu'il est encore un petit peu sous l'effet de l'alcool. Il est surtout très con. Voilà, pour le coup quand même, il faut quand même le dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je descends, moi je te fume. Donc voilà, la réaction prouve qu'effectivement il est c'est un mec bien, on sent que c'est un mec bien. Voilà. C'est pas le train, il y a. Ce qui est bien c'est qu'il est quand même, il a quand même trompé, il t'a quand même trompé, il dit ouais, oh, c'est pas grave, tu me connais, c'est pas grave. Oh là là. C'est pas la première fois que je dérape. Voilà, et puis c'est pas comme s'il était père, enfin tu vois, c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est quand même au top quoi. Bon bref. Écoute, Mélanie chérie. Non, bah viens, raccroche, on va la rappeler. Bon alors, tant qu'elle est pas là, attends, on la rappelle en deux secondes. Tant qu'elle est pas là, la mère de Mélanie là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en vrai, c'est pas possible là quand même. Bah écoutez, j'avais beaucoup d'a priori sur le fiancé de ma fille, et c'est vrai que j'ai voulu m'expliquer et la situation a, comment dire, dégénéré. Voilà. Ouais, parce que là, les a priori sont avérés justes, hein, pour le coup, c'est un con. Alors là, parce que là, déjà qu'on trompe sa copine, c'est pas bien, mais avec la belle-mère, c'est quand même violent. Hein. Allez. Peut-être, mais je n'ai pas spécialement envie de m'expliquer sur non, la radio. Non, je me doute, mais bon, voilà. Bon, Mélanie, on l'a récupéré là. Mélanie, t'es là ? Ok. Bon. J'avais coupé. Bon, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'en parler avec ta mère, parce que même si elle a fait la connerie, ça reste maman, quand même, malgré tout. Bon, la prochaine fois, tu sauras que tu lui présentes pas tes mecs, quoi. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux quand même, mieux au moins en parler. Voilà, même si au début, la pilule va être difficile à avaler. Toff, tu fais une seule commentaire, tu prends le coin pendant une heure. Oh non. Si, si. Et donc, Mélanie, ce que je te propose, c'est qu'on te met hors antenne avec ta mère. Oui. Quelques minutes. Moi, je suis sûr que la mère, elle prend la pilule, quand même. Ok. Quelques minutes. Oui. Pour voir un peu comment ça se passe, et on te reprend juste après pour voir ce que vous vous êtes dit, d'accord ? D'accord. Bon, allez, je vous mets en antenne, bougez pas, on vous reprend après. Allez, ça c'est fait. Ah, bah voilà ! Mais c'est un truc de ouf ! Complètement ! C'est-à-dire que là, c'est un truc de ouf, la pauvre, bah, j'ai de la peine pour Mélanie, évidemment. Ça raconte, le mec, je supporte pas les coups de balle. Ah putain, lui, alors par contre, il m'a énervé. Ouais, mais tu me connais, moi j'ai rien à foutre. C'est la grand-mère, quoi ! Non, mais au-delà de la mère, il l'a trompé, il dit ouais, mais tu me connais quand j'ai bu un verre, c'est genre, c'est excusable, non ? Mais c'est la grand-mère, c'est la grand-mère de sa fille. Bien sûr, il y a Dylan qui dit pouah, c'est chaud cette histoire, la Mélanie, plein de courage. Mickaël, message de bienvenue pour sa mère, s'il te plaît. Moi, je dirais pas pour sa mère, mais pour le mec, pour le coup. Hein, ouais. Non, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. Voilà, Mister Steven qui dit Polo, c'est un esprit, je ne savais pas. Envoyez lui là, arrête, tu me fais bander de Gilou. Non, pas là. Abdou qui dit des vrais cons là, ils sont gonflés quand même. Il y a quoi ? Ness qui dit plus belle la vie, mort de rire. Valentino aussi, je peux avoir un message de bienvenue. Et un coup de pelle pour Toff, je vous kiffe, bien sûr, avec plaisir. T'as envie de te faire enculer ? Hein ? Et un coup de pelle en même temps. Voilà. Bon, on va se mettre le son de Rihanna. On l'avait demandé tout à l'heure avec Man Down. Et puis bah on récupérera Mélanie juste après. Oh là là, chaud là ce soir. Ouais. Bon, bonne nouvelle, on va détendre l'atmosphère aussi avec Damien Canularis qui va arriver. Ah. Va-t-il être aussi bon Canularis que la semaine dernière? En tout cas je l'espère. Il est minuit 50, on est au cœur de la nuit sans pub. Si vous débarquez sur Fun pour la première fois, bah c'est Mickaël No Limit justement. Et puis on est là jusqu'à 2h du mat, c'est parti Rihanna, Man Down. Ram pom pom pom. Ça se passe. I didn't mean to end his life, I know it was alright. Qu'est-ce que je l'adore ce morceau, Rihanna. Très bon choix d'auditeur, je me souviens plus de son prénom malheureusement, allez, excuse-moi. Rihanna avec Man Down à l'instant sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je rappelle que vous pouvez toujours envoyer tous vos messages hein, si vous voulez qu'on les lise en direct avec le hashtag Mickaël sur Fun sur Twitter, sur le Facebook aussi, tapez Mickaël officiel et bien sûr aussi par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900. On lit tout ça en direct. Le message d'ailleurs qui est arrivé de Julie Kael qui dit l'histoire de Mélanie, ça vaut un chéri, je peux te faire cocu pour le coup. Ouais j'avoue. Et chaton également, Mickaël, pourquoi ne pas faire une armée de sous-merde avec Top comme général? Je serai son bras droit. Eh bien écoute, avec plaisir chaton. C'est pas mal. Salut l'équipe, merci d'être là. Je suis agent de sécu et parti pour une nuit de 12h jusqu'à 9h du mat. C'est un plaisir de rigoler avec vous. Le temps passe plus vite, merci à vous. Ben, merci à toi d'écouter surtout. Et Corentin, moi je m'énerve quand je joue à Call of. Ah, ben, c'est parce que tu perds, ça, c'est pour ça. Romain aussi, est-ce qu'il y aura un karaopé? Ouais, ouais, il va y en avoir un d'ailleurs. Si vous voulez vous inscrire au karaopé, ben, vous pouvez nous appeler 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Donc on a des casques audio, casques Spirit Focal à vous offrir. Il déchire tout en plus les casques, ils marchent super bien. Et si vous voulez jouer, bah, le principe c'est simple, hein, je vous balance un extrait de musique transformé en paix et il faut me dire de quelle musique ça vient. Hein, grosso modo, c'est pas compliqué. Archi simple. Archi simple. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Et puis pour les SMS, vous pouvez envoyer MIKL espace paix et votre numéro de téléphone au 64 900 et on vous prend et on joue ensemble dans quelques minutes. C'est toujours la mi-temps au niveau du match Cameroun-Croatie, toujours 1-0 pour les Croates et on va prendre on va reprendre Mélanie surtout maintenant là. T'es toujours là Mélanie? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, t'as discuté un peu avec ta mère en antenne, là, puisque pour ceux qui viennent de débarquer, Mélanie nous avait appelé parce qu'elle a trouvé son mec au lit avec sa mère. Et du coup, bah, ça a un peu gueulé en direct à l'antenne, là, forcément. Ton mec, lui, là, rien à foutre parce qu'il a pas l'air, très fait de fuite, hein, a priori. En tout cas, ou alors il se rend pas compte de la situation, c'est possible aussi. Il est bête. Ouais, et ta mère avait l'air quand même d'avoir des remords et de se dire, putain, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Donc, pourquoi pas? Et donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit en antenne, si du moins vous avez discuté en antenne? Ouais, bah, vite fait, parce qu'ils avaient un peu bu les deux, donc bah, ma mère, je suis sûr qu'elle me disait. Ta mère quoi? Ma mère, je pense qu'elle savait même pas ce qu'elle me disait, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait alors qu'elle m'a jamais dit de ma vie. Bah, justement. Ma mère, c'est pas une femme bizarre à dire je t'aime. Elle m'a dit que faire regretter ce qui s'était passé. C'est déjà mais ça. Mais bon, moi, je pense que si ça s'est passé, c'est parce qu'ils ont bien voulu. Bah, faut voir après, tu sais, franchement, D'accord, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, mais dans un autre sens, avec les effets de l'alcool, je dis pas que c'est excusable, mais c'est peut-être compréhensible. Et tu sais quoi, t'aurais dû écouter des conseils de ta mère, qui disait que c'était un gros con. Exactement, ouais, tu vois, au final, t'en serais pas là aujourd'hui. Eh ben justement, j'ai pas compris pourquoi, alors, elle passait son temps avec mon père à me dire, non mais le pire, j'imagine même pas comment elle m'apprend. Attends, ah, parce qu'elle est encore avec ton père aujourd'hui? Ben oui. J'avais pas cette information, moi je pensais qu'ils étaient déjà séparés. Dalla, s'il vous plaît. Moi je pensais qu'ils étaient séparés. Ah merci. Oh là là. Ça me met dans l'ambiance, ça me calme. Oh là là. Non, c'est vrai. C'est pour ça en fait. C'est quelle angoisse. Bon après, sincèrement, je vais te dire un truc, après t'en fais ce que tu veux. Je serai à ta place. Bon déjà je dégage le mec, hein, c'est clair et net. Et deuxième chose, si jamais tu pardonnes à ta mère, même si la pilule sera dure à avaler, si jamais tu pardonnes à ta mère, je le dirai pas à ton père, parce que lui il a rien demandé dans l'histoire. Ouais. Il n'a rien demandé, il est là, il pépère. Alors il joue au boule, il se gratte les couilles, il regarde le foot. Voilà, le il pauvre, est là tranquille. Il dit pour rien, quoi. Donc moi je dirai rien à ton père. Maintenant tu fais comme tu veux évidemment. Tu dis? Ah oui, c'est sûr. J'ai dit moi non plus, j'avais rien fait dans l'histoire, j'avais rien demandé. Ah bah bien sûr, mais voilà, il en reste un qui est innocent dans l'histoire et qui peut encore s'en sortir indemne, c'est ton père. Donc tant qu'à faire, moi je lui dirai rien. Après, comme je dis, tu fais comme tu veux. Hein. Il y a un message qui dit à Marjolaine qui a envoyé son message, c'est une histoire de dingue avec Mélanie, ça se fait pas, ça c'est clair. Et Jeanne Françoise qui dit le mec il devrait se faire attacher sur une croix et se faire sodomiser par passage du désir. Ouais, c'est une idée. Bon bah écoute, tiens-nous au courant pour la suite de l'histoire, Mélanie, hein. D'accord, ça va. Bon, et puis bah bon courage et on te fait des gros bisous, Mela. Merci. Salut Mélanie, ciao à toi. Bon, j'espère que tu nous donneras des nouvelles en tout cas. Oh la violence! Ah non, c'est ouf. Un truc de dingue quand même, putain. Enfin. Bon, Sofiane qui est avec nous maintenant, salut Sofiane. Allô, oui, salut Mickaël. Ça va bien? Ça va. Hey, tu peux parler dans une bouteille ou t'es dans toi, Anna? Non, tu peux parler un peu plus loin de ton téléphone parce qu'on t'entend trop bien là. C'est un mini pouce. Ouais, c'est un mini pouce, ouais. Attends, on t'entend pas, il faut que t'enlèves ton kit Mali, ou le haut-parleur, ou je sais pas. Ou les deux. Non, mais c'est pas possible. On comprend rien, Sofiane. On dirait que le mec, il a été raptisé. Chérie, j'ai rétrécité les gosses. Hé, hey, Sofiane, t'es où? Ah merde, putain, j'ai marché dessus, attends une seconde. Allô? Ah bah voilà, là, ça va mieux, là. C'est bon? Ah bah là, je t'entends bien, c'est bon, là, parfait. Bon, Sofiane, tu voulais réagir par rapport à Mélanie, toi? Oui. Bah vas-y, on t'écoute, Sofiane. Oh non, tu peux pas parler en petit. Non. Disons que moi, mon meilleur ami m'a trompé avec mon ex. Ah, c'est bien ça aussi. Attends. Ah oui, mais t'étais avec ton ex, évidemment. Oui, c'était avec mon ex. D'accord. Ah putain, ouais, sympa ça. Et du coup, comment tu l'as vécu? du coup, vous voulez que je vous raconte l'histoire? Ah bah oui. Non, non, en fait, je suis allé, on s'en bat les couilles. On s'en bat les yucks. Vas-y, c'est quoi l'histoire? On était chez moi. Ouais. Et j'invite mon meilleur pote et ma copine. Donc d'accord. Après, c'est la soirée et tout. Et tout à coup, je descends, je vais pour prendre à boire, à manger, tout ça. Ouais. Et au moment, ils étaient en train de parler. Donc après, je vais aux toilettes. Je reviens, ils étaient en train de s'embrasser et ils commençaient à... Enfin voilà, quoi, ils se déshabillaient et tout. Ouais, donc, sympa. Enfin, du coup, je leur dis, au début, je regarde. Après il me dit ouais ben le truc comme dans les feux de l'amour et tout, c'est pas ce que tu crois. le truc de merde. Le célèbre, c'est pas ce que tu c'est crois. C'est pas ce que c'est tu ça. Crois, mais je suis quand même en train de la baiser quoi. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Ben du coup, ben je me suis embrouillé avec ma copine et je les ai mis à la porte à 2h du matin. Mais t'as eu raison. Mais t'as bien fait, hein. Voilà. Et depuis, plus de nouvelles ni de l'un ni de l'autre? Depuis, plus de nouvelles. Bon, écoute, t'as bien raison. En même temps, il faut faire le ménage, hein, comme ça, parfois. T'entends un petit nettoyage de printemps, c'est pas de mal. Hop là, tu nettoies tout le bordel. J'ai mon meilleur pote le même jour. Super. Bah c'était ouais, pas ton meilleur pote, hein. C'était non, un mec que tu connaissais parce que ton meilleur pote, un vrai pote, il te fait pas ça. Pas, quoi. C'est ça c'est exactement, ça. Exactement, ouais. Bah écoute, et c'est arrivé quand ça, Soufiane? Il y a 3 ou 4 mois environ. Ah ouais, donc c'est encore récent. Bah, nettoyage de printemps, c'est ce que je disais, ouais, exactement. Ouais. Bon, et bah merci Soufiane d'avoir appelé. Ben de rien, avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Ouais. Non, allez-y, finissez. Non, non, faut savoir si tu voulais un truc. Tu veux dire un truc en plus? Non. Bon, enfin, d'accord. Oui, un petit truc. Dis-moi. Si ce serait possible d'avoir un ballon. Un ballon, tu as un ballon de foot? Bah oui, mais on les offre tous les soirs, il faut répondre à la question là. Ah là là là là là là. Bah non, il faut jouer demain, Soufiane. D'accord, bon, mais pas de soucis. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, tu revois. Je vais faire une petite dédicace aussi. Ouais, ça, y'a pas de problème, vas-y, vas-y. Alors. Une dédicace à Bambi, une amie à moi. À Bambi, eh ben on l'embrasse. Voilà. Pas de problème. Mais ça roule. Bon, non. Eh ben, oui, mais bon. Salut à toi. Salut Soufiane, à bientôt. Ciao à toi. On aura Damien dans un instant, le canularis. T'es là, Damien, et cette magnifique voix. Ouais, allô. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ouais. Tu t'es un peu entraîné depuis la semaine dernière et la semaine d'avant et la semaine encore avant? Mais là, ouais, j'en ai une liste complète. Une liste complète de quoi? Ouais, des appels malveillants. Est-ce que t'as une pédale Wawa sur ta gorge? Ouais. Ah, des appels malveillants? Ouais. D'accord, bah oui, non, mais tu fais bien, hein, c'est bien. Bon, et c'est quoi prévu au programme là pour les appels malveillants, Made in Damien? En fait, c'est pour savoir si ils prennent autant de plaisir de conduire leur voiture plutôt que faire l'amour à leur femme ou à leur femme. Ah, c'est bien ça. Ah. Eh ben écoute, on va faire les appels malveillants dans quelques minutes. Eh ben voilà, c'est pour une musique aussi, parce que tu fais une musique. Oui, bah évidemment, évidemment. C'est pour ça. Bah très bien, bah alors bouge pas de là, on va se faire les appels malveillants après, d'accord? D'accord. Allez, reste avec nous. Vous aussi, si vous voulez participer à l'émission, bah, vous êtes les bienvenus pareil. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, vous qui passez le bac, là, les examens en ce moment, là, vous avez peut-être peur de faire des erreurs, de mal répondre. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ceux qui posent les questions n'en ont rien à foutre, puisqu'un scientifique qui était soi-disant cité dans une question du bac physique a démenti avoir dit ce qui était dans l'examen. Donc, en fait, il demande qu'on retire le bac à celui qui a fait la question et le ministère qui ne vérifie rien, évidemment. Donc je voulais vous demander si vous avez déjà été victime d'une erreur, hein, genre le prof qui n'oublie qui oublie de vous mettre des points, une sanction alors que vous n'aviez rien fait, etc. Ouais, etc. Eh bien, je viens d'être victime d'une grande erreur. Quoi? Et bah donc il y avait les élections en Belgique et donc j'étais assesseur, c'est-à-dire que je devais être dans le bureau de vote normalement, recevoir les gens et tout, mais comme il y a l'émission, je pouvais pas. Ouais. Donc j'ai demandé à sous-chef de me faire une lettre pour dire que je pouvais pas, mais sauf que la lettre était en français. Ouais. Tu tutoies, j'ai demandé à sous-chef. Ouais. Gilles Bruce. Et 2-0 pour le grand chef. C'est pas le grand chef. Vas-y, vas-y, ouais. Et donc sous-chef m'a fait la lettre, j'ai porté la lettre, le mec du bureau m'a dit ah ouais ok c'est bon, tu dois pas venir. Et ce matin j'ai reçu une amende de 250 €. Ah c'est bon ça, oui, parce qu'en Belgique le vote est obligatoire. 250 € sa mère. Mais tu prends rien, Tof, tu t'as fait. Ben oui, j'y suis pour rien, j'ai remis la lettre et tout. Mais donc du coup je dois aller au tribunal avec la lettre et le papier de l'assesseur qui est, enfin le papier du je sais pas quoi, chef du bureau de vote, qui a bien validé que je devais pas être là quoi. Oh, c'est bon, bâtards. 250€ ça dans sa gueule, ça c'est bon, ça fait plaisir. Bon, dites-nous si vous avez déjà été victime donc d'une erreur, le prof qui oublie de mettre les points, etc., ou une sanction que vous n'aviez que vous ne méritiez pas. Vous nous dites, vous envoyez vos messages MIKL au 64 900, ou alors vous nous appelez au 01 42 48 5000. 2-0 pour la Croatie, donc comme ça c'est fait. Et puis on s'écoute le son de Jason Derulo et Snoop Dogg maintenant. C'est Wiggle au cœur de la nuit sans pub. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holly. Damn baby, you got a bright future behind you. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Olivier. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Avec dans quelques minutes le karaopé. Et ce soir, comme il y a un casque focal à gagner, il n'y a que deux personnes, sinon c'est compliqué. Hein. On va jouer avec le. Avec qui d'ailleurs? On va jouer avec Seb et Steve dans quelques minutes. Soufiane aussi qui envoie un message. Merci, vous êtes super, bonne soirée. Merci Soufiane d'avoir appelé. Ahmed également, vous êtes les meilleurs, j'habite en Algérie, je vous écoute tous les jours. Cool, merci Ahmed. Merci Ahmed et Kalash aussi sur le Twitter. J'ai eu une colle pour une connerie faite par un de mes camarades qui me ressemblait. J'en ai pleuré, c'était en 6ème. Oh putain, chaud ça. Et alors Jeanne-Françoise qui dit moi c'était mon BEP, il me manquait 0,12 points. C'est en anglais que j'ai pas eu la moyenne, sauf que j'étais traductrice depuis 3 ans. Ah ouais, alors soit, ouais, soit le prof était mauvais, soit tu étais mauvaise traductrice. Oui, ah oui c'est aussi ça. Merci d'être là, je me sens moins seul dans mes dernières révisions de maths pour le bac demain à 8h. Vive la terminale S. Ah ouais. Et ben, bon courage à toi et bon courage à ceux qui ont des examens et le bac en l'occurrence demain. Là, bonne chance tout le monde. Et Amo qui dit, si le père de Mélanie découvre le poteau rose, comment il va le démonter, l'autre branleur, là, pour sa fille et pour sa mère. Ouais, c'est vrai, c'est le risque. Mélanie qu'on a eu tout à l'heure, là, qui a découvert sa mère au lit avec son mec. Et Ginka aussi, ou Ginka, qui dit, j'adore Polo, t'es le meilleur, change pas pauvre con. Et par SMS au 64 900, avec le Mickaël en début de message. Bonsoir à tous les chauffeurs agricoles de France, vous êtes géniaux à Fun, merci beaucoup. Et alors moi je sors d'un bon plan cul et j'entends cette histoire horrible. Quelle vie quand même là, faut donner une bonne leçon à la maman là. Il y a des fous partout, c'est Nixen78 qui avait envoyé son message. Bon ben continuez tous les autres avec vos messages là, n'hésitez pas, on est toujours en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat avec... avec le gainage oh, ce soir. Oh putain, je croyais que t'allais l'oublier. Ah, je suis pas t'as motivé. Remarqué toute la journée, j'en parle pas exprès. Ouais. Je suis pas non. motivé d'une douille. En plus, ce soir, on fait 180 secondes. 3 minutes de violence, de violence. Je vais rentrer chez moi. 3 minutes de... Mais ce que je crois, en fait, ce qu'on va faire, parce que 3 minutes, c'est quand même long, je pense qu'on va mettre un son entre temps. On ouais, va démarrer, ça, on puis on tricher. Met un son. Non, non, non, non, pas qu'ils sont trichés, tu ouf. Non, non, on va mettre 3 minutes et puis. Bah oui. Non, on va pas tricher, t'es ouf. Et puis on verra juste après, quoi. Ah, si, je pense. Hein. J'ai mal aux couilles, ça me fait mal aux couilles. Voilà. Bah oui, mais qu'est-ce que je te dis, moi. C'est comme ça, hein. Qui c'est qui a lancé cette idée de gainage à la con, on sait c'est pas. C'est cette tête de con, là-bas. C'est cette tête de merde, là, qui a absolument voulu qu'on fasse cette connerie, là. Moi, j'ai rien demandé, hein. Oui, c'est... J'avais rien demandé, moi j'étais tranquille, j'avais mal au dos, au calme, j'étais tranquille, frais. Voilà, et puis l'angoisse quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, on se fait le karaopé maintenant, il y a Seb et Steve qui sont là. Salut Seb et Steve, là, comment ça va? Salut tout le monde. Vous êtes en forme? Ouais. Karaopé entre couilles ce soir, on est bien. Normal. Ouais, ouais. Eh ouais. Bon ben puisqu'on est entre couilles justement, on va donc poser sur la table. Non, pas du tout. Ah. Je vais vous passer des extraits. Moi, je veux bien. Non, mais bah, j'imagine, mais ça ira. Je vais vous passer des extraits de musique, ok? D'accord. Jusque là, tout va bien. Et il faudra impérativement, donner son prénom avant de donner la réponse. Oulô. Est-ce que c'est clair? Bah oui. Sinon après, on s'entend plus. Hein. D'accord? Ouais, c'est clair. Bon. Je vous passe des sons, c'est bon, il y a un peu de tout en fait, hein. Il y a peut-être des morceaux un peu ringards, des morceaux récents, des morceaux un tout petit peu plus vieux mais pas encore ringards, etc. Et le but, arriver à me trouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe ou même le titre de la chanson pour prendre un point, d'accord? Ok. Celui qui a le plus de points, eh ben repart avec le casque focal. Vous êtes prêts, Seb et Steve? Ouais. Attention, okay. C'est parti, le premier, let's go. Facile. Ah, je sais. Bah oui. Attends, je vous remets le début. Écoutez bien le début. Écoutez ouais. Bien les notes du début. Je vous remets. D'accord. Steve. Steve. Chester. Eh oui. Eh oui. Eh ben voilà, très bien. Bon, extrait suivant, un point pour Steve. On y va, c'est parti, extrait suivant. Ah, ça c'est vieux. Ouais, c'est tout vieux ça. On met ça dans les soirées vers la fin quand tout le monde veut se barrer, dans les soirées un peu de merde. Tu vois pas? Steve et Seb, il y a quelqu'un des deux qui voient là. C'est un gros barbu. Allô, Steve et Seb. Oui, c'est Seb. Oh, je vois pas, non. Ah bah répondez quand je vous parle quand même, sinon j'ai cru que vous étiez parti moi. Bon, vous avez pas d'idée? Non. Si, Seb. Seb. À la queue leu-leu. Non. Ah, c'est non. Pas ça, non, je le remets. Mais c'est dans la même veine. Hein. Et le chanteur était tout gros, mais il est mort aujourd'hui, le pauvre. Steve. Steve. Seb, Seb, Seb. Non. Tout bronzé. Ouais, ouais. C'était Carlos. Eh ben voilà, pas mal. Deux points, Steve. Ça rigole plus là. Attention, on y va. Extrait suivant, c'est parti. Oui, ça c'est chaud. Hein. Non, moi j'ai trouvé. Ah ouais. C'était de la pop. Bon, lui aussi, il est mort pour le coup. Hein. Vous voyez pas? Dans les années 80. Eh, c'est une légende, le mec. The Legend. Bon, c'est fini, aujourd'hui, il est mort. Oui? Michael Jackson. Ouais, ouais. Oh là là, la balade, Steve, la balade. Alors attention, attention, attention, quatrième extrait. Et celui-là, c'est l'extrait qui vaut 1000 points. Ouais. Attention, Steve et Seb, surtout Seb, écoute bien, puisque t'es un peu à la ramasse, là tu peux prendre 1000 points d'un coup. Ce serait pas mal. D'accord. Bon, vous êtes prêts? Oui, ok, prêt. Allez, attends, qu'est-ce que je vais choisir là? Oh, celui-là, tiens. Merde. Eh oui, merde. C'est un Belge. Steve. Steve. Stromae. Ouais. Évidemment. Évidemment. Les mêmes. Bon, alors attention. On est au dernier extrait maintenant. Le dernier extrait vaut 100 000 points. Tu as 1003 points, Steve. Seb en a zéro. Attention, Seb. Tout se fait maintenant. T'es prêt? Ouais, ouais. On y va. Seb. Les bronzés. Non. Les bronzés. C'est pas les bronzés, non. C'est un vrai chanteur. Enfin, un vrai. Tout est natif. Tu dis? Seb. Tout nu, tout bronzé. Non. C'est un Américain. Un Canadien plutôt, pardon. Qui fait connerie sur connerie aujourd'hui. Ah oui. Bon, je remets. Non, mais parce qu'ils savent pas que c'est un Canadien. Ouais, ouais. C'est son premier. Ta première chanson, il était tout petit avant. C'était un doux. Il avait pas mué à l'époque. Seb. Cavana. Non. Cavana, mec. Mais non, il parle pas français, il parle qu'anglais. C'est un Canadien, il habite aux États-Unis quand même. Et il fait que des conneries là. J'en remets encore un coup là. Allez, pour 100 000 points, c'est son premier single, écoutez. J'en remets le début, écoutez bien le début, c'est toujours au début que c'est facile en général. Les initiales, c'est JB. Juste un bridou? Non. Pas d'idée, Seb et Steve? Non, aucune. Seb? Seb? Jean-Pascal. Jean-Pascal, bah oui. Mais vous êtes sérieux? Jean-Pascal avec JB. JB, ouais, Jean-Pascal. Jean-Pascal. Jean-Pascal. Bon, bah, c'était Justin Bieber. Oh là là. là. Bon. Team Bieber. Bah oui, mais bon, j'ai dit en plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le dernier vaut 1 million de points. Vous êtes prêts? C'est l'hyper méga banco. C'est l'hyper méga banco. Attention, Steve, t'as 1003 points. Seb, t'as 0. 1 million de points, c'est ce qui est chopé maintenant là. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Facile. Eh, c'est un mot de gorge. Ah là c'est vieux hein, là c'est du vieux morceau hein, ça c'est sûr. Vous voyez pas? Non. Allez, je remets. Oh là là les gars. Steve. Aux Champs-Élysées. Ouais. Eh ben bravo Steve, 1 million 1003 points. Toutes mes félicitations. Eh ben t'as été bon Steve. Seb, 0 points. Bon voilà, comment te dire que tu rentres chez ta mère les mains vides hein. Tu as pas été mauvais, tu as été archi mauvais. Là, 0 points, c'est quand même violent hein. Là ça c'est rien. Rien, tu n'as rien trouvé. C'est le plus mauvais score de toute l'histoire du jeu. Oh là. Bon, au moins t'en détiens un, c'est déjà ça de prix. Bon bah tant pis, hein, bah tu retentes ta chance quand tu veux ouais, Seb. Bah ouais. C'est bon, une bah. Grosse balle. Bon bah salut à hein, Seb hein. D'accord, bah là hier mon père il en plus il y avait ton père, il a pas trouvé Jonathan avec les Champs-Élysées. Bah, Oh là là, il sert à rien ton père. Bon salut Seb. Ouais mais attends, excuse moi on n'a pas le même âge hein. Bah oui mais justement quand même, attends, il aurait pu connaître quand même un minimum. C'est pas parti d'après histoire comme toi hein. Ouais dis donc, t'as quel âge papa? Bah oui. Papa il en a que 42 hein. Bah dis donc, tu crois que j'ai quel âge? Ah bah d'après ce que 25. J'ai vu sur Facebook, tu fais plus... Sur Facebook. Non c'est Facebook, c'est un c'est un book de fraises. Voilà. Il y a que des fraises, on parle de fraises. Ouais. C'est très bien. Je vous remercie hein, si vous êtes bon, allez. Sympa. Bah sans rancune, gros bisous à vous tous, salut à la famille, ciao à vous. Et Steve, bah bravo à Bordeaux, le casque arrive, un focal, le Spirit One qui déchire tout. Ça va partir chez toi bientôt Steve. Salut à toi. Merci beaucoup. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao Steve, à bientôt. Le canulariste arrive sur Fun Radio, Karim et Nicolas voulaient réagir des erreurs qu'ils ont vécu en étant à l'école ou ailleurs hein. Si vous avez déjà été une victime d'une erreur justement, bah appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000. Il y a également les derniers appels malveillants qui vont débarquer sur Fun Radio, vous restez là. Et puis on se fait le son d'Avicii maintenant. Lemmy Down, il y aura Saya aussi avec Chandelier qui va débarquer. Et puis malheureusement oh non. Si, on va se faire le gainage là. Oh là là. 180 secondes à tenir. Oh là là. Je peux décider à tout moment, ça va être une angoisse. Avicii à l'instant sur Fun Radio, il est terrible. Ce son, c'était Lay Me Down. Allez, bienvenue si vous arrivez. 23h, 2h. Test down. Michael No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est 3-0 pour les Croates face au Cameroun. La 68e minute de jeu. Il y a Critic Man qui dit moi, le jury du brevet avait oublié 3 points pour que je l'aie. Ma mère a tapé un scandale. Bah, elle a raison. J'étais en cours de musique et la prof me dit qu'elle veut me voir en fin d'heure. Et après, à la fin du cours, elle me demande si je fais souvent des chansons. Donc, je lui ai répondu que oui. Elle m'a dit fais ta compo, j'ai une surprise après. Donc je suis allé devant le piano, j'ai commencé à jouer, à chanter. En même temps, elle m'a dit que je chantais super bien et elle m'a inscrit à The Voice saison 4. Oh, sympa ça. Ouais. Ça va, c'est cool. C'est cool. Ah, on va te voir à la télé alors. Bah oui, Charles-Henri qui dit j'ai eu un PV de 250 euros pour avoir grillé un feu rouge. Oui, sauf que j'étais pas là ce jour-là, ni cette heure-là. Vive la police. Eh, peut-être qu'il y a un mec qui a usurpé ta plaque, ça c'est possible. Ah, ouais. Mec qui font des fausses plaques et après tu te retrouves dans la merde et va t'en justifier que t'étais pas là. Ouais, moi ça me fait trop rire quand les mecs qui ont des tracteurs au fin fond de la Creuse, ouais. Ils ont des PV sur le périph à 200 à l'heure. Ouais, 200 à l'heure. Ouais mais j'ai un tracteur. Ouais on a rien à foutre, payer quand même là. Parce que le truc c'est qu'il faut d'abord payer et puis après tu peux contester. Ouais. Mais les mecs ils ont peut-être pas forcément 1000 euros à taper dans un PV tu vois donc bon. Vladimir qui dit la famille de ouf tout à l'heure là, je transmets mes encouragements à Mélanie. Antonin qui dit si l'armée des loups existait vraiment j'ose pas imaginer. Ah bah ils seraient des guerriers. Hein. Alors là je peux te dire bah ouais. Et Alika qui dit les gars, moi aussi je m'énerve très vite. Ah oui c'est tout à l'heure. Hein, car je suis soupolé. La dernière fois c'était ce week-end, j'étais déjà énervé et je me suis pris la tête avec ma mère, j'étais tellement énervé que j'ai pris mon BlackBerry et je l'ai éclaté contre le mur. Du coup j'étais bonne pour changer de téléphone et je regrette beaucoup car mon BlackBerry je l'aimais bien, je mérite un énorme coup de pelle et une claque dans la gueule, gros bisous à vous. Oui en même temps je pense qu'il fallait dire au revoir à ton BlackBerry à un moment faut dire au revoir à ces choses là C'est comme si le mec il a encore un vieux Nokia. Il y a un moment il faut pouvoir lui dire au revoir. Mais il ressort les 3310. Oui je sais, oui c'est rigolo. Titou aussi, j'espère que je mourrai avant que tu partes de fun. Ah bah ouais, bah j'espère que tu vas mourir tard alors. Et Marjolaine, moi j'ai retrouvé mon ex avec mes deux meilleurs amis dans mon lit et je les ai interrompus et en pleine action j'ai mis tout le monde dehors. Oh là là, quelle violence. Mais je te jure, il y en a qui sont quand même complètement ouf. Il y a des ouf. Ah mais complètement. Bon. On va prendre Karim qui est avec nous de Nancy. Salut Karim. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi Karim de Nancy? Ouais, super, super. Bon, bah bienvenue à toi avant de faire les appels malveillants avec Toff. Là, tu nous appelais parce que tu as déjà été victime d'une erreur. Ah ouais, moi tu vois, j'ai passé le bac. Ouais. J'ai un bac scientifique. Ouais. Ils t'ont donné les questions de littéraire. C'est ça. Ah non, c'est pas ça. Moi à l'année, tu vois, j'avais des bonnes notes, je savais que j'allais avoir le bac. En plus, il y avait mon cousin dans ma classe. Ouais. Et ben quand j'ai été au résultat, j'ai vu que j'étais au rattrapage. Mon prof de maths m'a conseillé d'aller vérifier. J'ai été vérifier le lendemain parce que la directrice adjointe, je la connaissais. Mm-hmm. Ils ont inversé des notes à moi avec des notes à mon cousin. Oh merde, ah, c'est con ça. Et ben j'ai eu de la chance parce qu'ils ont eu le temps de rectifier et le bac en fait, ils se sont trompés en maths, en SVT et en anglais. Attends, c'est la famille, t'auras pas dû balancer le pauvre ton cousin là. Mais ouais. Bah, mais grâce à mes notes, il allait seulement au rattrapage, c'est ça le pire. Ah ouais, du coup quoi, il a dû recommencer? Bah grâce à mes notes, il a le rattrapage, sans mes notes, il l'avait pas du tout. Ils l'ont laissé le rattrapage, mais il l'a pas eu, mais bon, l'année d'après, tu vois. Ah oui, donc il a quand même dû recommencer l'année d'après. Ouais, mais bon, moi j'étais déjà redoublant, donc je pouvais pas me permettre. Ah oui, ouais, je comprends, ouais. Du coup, bah ça et va, bah, t'as encore eu de la chance hein, qu'ils acceptent de reconnaître leur erreur. Bah en fait tu sais quoi, avec notamment mon cousin j'avais eu 9,86 de moyenne. Ouais. Quand tu m'as redonné mes notes, je suis passé à 11,86. Pas mal. Bon ça va, t'as fait une affaire au final. Bah j'ai vraiment eu de la chance que je me rende compte quoi. Oui non mais c'est clair, mais attends, mais pour le même prix t'aurais pu dire putain fais chier je l'ai pas eu, tu cherches pas plus loin, ton cousin qui avait rien branlé, lui il était pépère, hop, hein, bah, il passe. Mais Karim t'es vraiment une sous-merde, regarde même moi je l'ai réussi le bac. Le pire c'est qu'il me disait ouais je t'ai battu en maths. Eh ben non en fait c'était ma note à moi. Ah c'est bon ça c'est bon. Attends, il y a aussi Nicolas avec nous là, salut Nico. Salut Mickaël, comment ça va? Bah tranquille, Nico à Paris 109 pour écouter Fan à Paris. Et Nico, toi, c'est quoi l'erreur, laquelle t'as été victime? Alors moi je suis un peu plus jeune que Karim, moi c'était une petite histoire sur mon passage. Ouais. J'ai eu un petit français, moi c'est 4 heures, tu vois, donc c'est bien sympa 4 heures. Ouais. Et le prof m'a accusé de triche à tort, parce que soi-disant j'avais appris des trucs par cœur, parce que j'avais soi-disant que j'avais triché, regardé les trucs sur mon portable. Bah, qui est pas vrai, parce que j'avais appris des trucs par cœur. Vas-y, ouais. Ouais, et donc justement, il m'a accusé, on s'est gueulé dessus devant toute la classe. Et bien fort, tu vois, donc c'était assez choquant, ça s'entendait sur deux étages. Même là, il y a des gens qui sont venus voir et tout, pourquoi ça gueulait autant, ils croyaient qu'il y avait que deux élèves. Et justement, donc moi j'étais pas d'accord, je suis allé chez la directrice d'études, j'ai gueulé un bon coup, j'ai convoqué, on a fini tout ça, et on a limite fait genre un faux procès, tu sais, on a eu, en disant vous avez quoi comme preuve contre moi, voilà, et à la fin, bah, il a reconnu son erreur, il s'est même excusé. Et au départ, c'est cool. Il voulait me faire limite retaper à cause du français. Alors que j'avais 12-13 de moyenne, tu vois, ou pas du tout. Et finalement, pas du tout. Finalement, il s'est excusé, il m'a mis que des bons compliments. Et voilà, il a reconnu son erreur, et il peut aller se faire enculer. Et ben voilà, très bien, hop là, la boucle. Alors que t'avais triché vraiment. Exactement, ouais. Non, mais non, pas du tout, justement. Non, on plaisante, mais bien sûr. Non, mais au moins, ça va, t'as réussi à prouver ton innocence. Et 4-0 pour la Croatie, voilà, ça y est. Oh là là, 4-0, ça fait mal. Ah, la 4-0, ça fait mal. Demande à l'Espagne, et demande au Portugal aussi d'ailleurs, ça fait très mal. Pour l'avoir vécu, ça fait très mal le 4-0, hein. C'est assez violent. Mais on va se refaire dimanche. T'es pour quelle équipe toi, dis-moi? Moi? Ouais. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ah ouais, bah tu sais qu'on est belge. Potof est belge, hein. Et, ouais, moi, et moi la moitié. Mal parti, là. Et oui, bah là c'est bon, ils ont perdu qu'un match, c'est pas catastrophique. Non mais ouais. Top, en même temps, Top il est dégueulasse, donc on s'en fout un peu. Mais non. Mais tu sais que pour l'histoire, en fait, ils disent pas 1, 2, 3 dans la chanson. Oh, il dit 1, 2, 3. Non, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ils voulaient être libres quand ils ont fait la chanson. Si, si, j'ai vu ça ouais, sur... Ouais, j'en ai entendu parler, j'ai vu ça sur Facebook, moi aussi. Ouais, bah c'est sûr, moi j'ai vu ça à la télé, mais ils disaient ça. En fait, c'est après, ils ont transformé la chanson pour les supporters, machin, 1, 2, 3, viva Algérie. Mais en fait, à la base, c'est a priori, hein, je pense que c'est ça. Hein, c'est genre, I want to free, donc 1, 2, 3, viva Algérie. Ah, je savais pas. Et apparemment, c'est ça, ouais, ça vient de là, apparemment. Ouais, mais si, bon. C'est ça, j'ai entendu ça, ouais. Ah, quelle culture, quelle culture. Tu vois, c'est une émission littéraire. ici. C'est ça. Une émission de culture. Ah ouais, culture, voilà. Et trop intelligent. Bah complètement. Bon bah merci en tout cas Karim et Nico. Là, vous revenez quand vous voulez tous les deux, hein. Il y a moyen de gratter un petit cadeau, Nico. Eh ben, tu vas gérer ça avec. Ouais. Tu vas gérer ça avec Sandro. On va te filer un pack fun sans problème, Nico. Salut à toi. Ah, c'est pas Nico, c'était Karim. Karim. Attends. Bon, Nico, tu vas repartir avec un pack fun. Et toi, Karim, tu voulais dire Je voulais te demander un petit cadeau. C'est moi qui voulais gratter un cadeau. Attends, alors, je comprends plus rien. Karim, tu voulais un pack? Ouais. D'accord, alors Karim, je te passe le pack. Pas de problème. Et Nico, toi, tu voulais quoi? Je voulais te mettre un petit son, je te l'avais envoyé tout à l'heure, je sais pas si tu l'as eu. Non, j'ai pas reçu. Tu veux pas des carottes râpées? On envoie ça maintenant en ce moment. C'était quoi le son? C'était Titan, tu sais, je t'avais appelé hier, tu l'avais pas eu, je t'en avais envoyé un autre, et là j'ai réussi à t'envoyer l'autre. Ah ouais. Bah alors le temps qu'on le mette dans la machine, ça va être pour demain à mon avis, hein. Je vais d'abord l'écouter et puis je vais voir. Mais pourquoi pas, c'est quoi Titan? C'est quoi le nom du groupe? C'était Blaster Jack. Ah oui, qu'on n'avait pas d'ailleurs ici, c'est vrai, exact. Ouais. Bah écoute, je vais le mettre dans la machine pour demain, je vais écouter ça, ouais, pas de problème. Mais merci à toi Nico. Bah je t'en prie, y a pas de soucis, merci à vous les gars. Salut Nico, ciao à toi, bientôt. Bonne chance pour le gainage. Ouais, bah je crois qu'on l'avait oublié là. Mais non, on va faire ça en quelques secondes. D'abord, il les appels malveillants là. Allons-y. Salut Nico, ciao à toi. Allez, ciao. Allez, derniers appels malveillants avant que Damien te montre comment il faut faire les appels malveillants, oui, le canulariste. On y va, toujours pour poser cette grande question. Donc, est-ce que vous êtes éjaculateur précoce, puisqu'apparemment avec 20 mg de Prozac, ça aide apparemment à tripler le temps, ce qui est pas mal. Ouais, c'est bon, ça dépend, bien. Parce que si on tient 5 secondes, ça fait jamais que 15. Mais. Bah, et pour la meuf, c'est déjà 3 fois plus, quand même. Oui, mais si on tient 1 minute, 3 minutes, c'est déjà mieux, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, on y va, on appelle grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, 1h33 sur Fun, avec Polo contre le reste du monde qui arrive, et le gainage. Qu'on fera pendant le titre de Saya, hein, je pense que ce sera mieux. Oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari était éjaculateur précoce, madame. Ça va vos conneries, hein. Au revoir. C'est pas une connerie, madame. Allô? Allô, madame? Elle est partie. Ah, elle est partie maintenant. Bon, c'est pas grave, on va la rappeler. Hop là, c'est pas grave. On y va, on y retourne. Allez. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé, madame. Vous avez pas répondu à ma question. Je vous dis merde, et puis foutez-moi la paix. Mais non, madame. J'appelle mon mari et vous allez faire ce qu'il va vous dire. Bah, appelez votre mari, madame. Oui, ça suffit. Bah, passez-moi votre mari, madame. Oh, bah, elle aurait pu passer le mari. Bah oui, elle me propose si gentiment. Bah oui, en plus, je pense qu'on va rigoler avec le mari, là. Allez, on le rappelle. Avec un peu de bol, on tombera sur monsieur. Oh, arrêtez un peu avec vos imbécilités, hein. Je n'ai pas à vous répondre et mon mari va se fâcher. Ben oui, mais passez-moi votre mari, madame, ça sera plus simple. Écoutez, je n'ai pas de... Ce sont vos conneries, ça va 5 minutes, hein. Ben oui. Arrêtez. Ben oui, d'accord, mais passez-moi votre mari, madame. Allez, on voudrait parler au monsieur, là. Ben oui. Bon, on rappelle une dernière fois, après on arrête. Enfin, en espérant qu'on ait le mari. Allô? Oui, madame, vous voulez pas me passer votre mari? On ira plus vite. Bon, ça suffit. Bah oui, mais passez-moi votre mari, madame. Mari, madame. Oui, bah voilà, bah dans ta gueule, bah voilà. Bah, t'as vu, tu peux faire mieux, Damien. Ouais. Ah ouais, bah il a été mauvais, là, Tof, non? Ah, très. Ouais, ça craint. Tu t'aurais fait quoi, toi? T'aurais fait quoi comme technique? Bah, je l'aurais rappelé jusqu'à que j'ai l'appareil. Ah ouais, c'est une bonne technique. Ouais, c'est d'ailleurs la meilleure. Ouais, bah, je pense, ouais, c'est clair. Bon, est-ce, en fait... que, est-ce que c'est pas ce qu'il a fait, Damien? Ouais. Tof. Il l'a fait, là. T'inquiète. Oh, ok, d'accord. Bon, reste avec nous, tu vas nous montrer comment faire, mais on va d'abord faire... On va d'abord le faire, quoi. Bon, on va faire cette merde, là, de gainage, là, à la con, là. Bon, je rappelle qu'on fera la finale, c'est dimanche, hein, dimanche. Oh, putain. Dimanche sur le Vieux-Port à Marseille, on va bien en chier, là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va en chier, moi, je te le dis. Bon, allez, c'est parti, le gainage, donc, on va y aller maintenant. On va y aller maintenant, donc, hein, le gainage. C'est parti. Ouais, pour seulement 180 secondes, c'est quoi 180 secondes? C'est 30 secondes de plus qu'hier ou bah, déjà on a galéré comme des rats. Et déjà on a galéré comme comme des oufs, effectivement. Ouais, ça, bon, allez, on se met en place. Putain, 30 secondes de plus, 3 minutes, putain, c'est tout un disque. C'est ouf, ça va faire mal. On peut pas faire en deux fois, on fait genre 1 minute 30, 1 minute 30. C'est ça en fait, c'est lui qui nous a fait chier avec son idée de merde là. Bon, allez. Ouais, mais t'as vu, on échappe maintenant, tu vois. Allez, on s'installe. Allez. On s'installe. 3 minutes à tenir. Pendant ce temps, on va écouter Saya, donc ça c'est bien avec Chandelier. Ah, c'est cool. Mais... Non, mais si tu veux, je peux te le mettre dans le cul. Vous voyez, je sais pas si vous avez entendu, mais quand Polo n'a pas de casque ni de micro, ça donne ça directement. Il va te faire enculer, sale con, et alors il t'insulte de partout. Bon, allez, on y va. Il est 1h37 du mat. Le principe, donc on va démarrer à 1h38 dans 15 secondes, donc, et on va devoir aller jusqu'à 1h41. Donc, bon, bah voilà. On se met en place, on écoute ça avec Chandelier, puis on se retrouve juste à la fin pour le gainage là. Allez, pensez à nous là, c'est parti, on y va. 3, 2, 1, 1. Attends, merde, je me suis emballé là. Voilà, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et c'est ça, y'a qu'on écoute là. Allez. Oh putain, on souffle sa mère. Attention. Stop. Oh putain. Oh. Oh. Oh, on a fait 2 minutes 30. Non, on a fait 3 minutes 30. Quoi? Bah ouais, on a fait 3 minutes. Si, mais putain, comme il nous a escroqué 3 minutes. Si, mais comme le son de Saya était plus long. Oh la vache. Oh putain, c'était hardcore là. Mais je vous ai... Bah oui, mais c'est normal, on a fait On a directement fait 210 secondes, tu vois, comme ça on est tranquille, puisque normalement on doit faire 270 à Marseille, comme ça on va plus vite. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais je l'ai dit, vous avez pas écouté, j'ai dit on va mettre ça y est, comme il est un peu plus long, on fera la totale. Ouais, mais un peu plus. Je peux pas me lever. Attends, qui est avec nous au standard là? Je peux pas me lever. Marvin. Je peux pas me lever. Ta gueule. Qu'on l'achève, qu'on marche dessus. Bon, Marvin, ça va? Je fais quoi là? Bah écoute, ça va, on vient de faire 200. Pas trop mal. Bah écoute, un peu quand même là, j'avoue que j'ai galéré, franchement j'ai cru que j'allais lâcher parce qu'on a fait ça pendant aussi, le titre de Saya là. Et j'ai un peu bougé et tout, mais franchement j'ai trop mal là. Oh la vache. De quoi Marvin? Attends, j'entends rien, à chaque fois tout le monde parle en même temps. Tu dis quoi Marvin? Surtout moi ça me dérange pas le gainage. Ah ouais, mais t'as l'habitude toi, tu fais ça souvent non? Non. Ah jamais? Bah écoute, très bien. J'ai fait du foot mais. Non mais c'est le gainage, après tu peux être sportif ou pas, c'est le fait de te tenir comme ça pendant autant de temps qui est chelou. Ouais non mais perso ça me dérange pas donc Non mais moi ça me dérange pas non plus, c'est juste compliqué. Tu fais combien de temps le gainage? Bon, moi ça peut varier entre 5 et 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes? Bah putain, ceux qui sont sur Marseille là venez nous montrer hein, parce que 5-10 minutes moi je voudrais voir ça quand même hein. Je voudrais voir ça. Et Polo qui est en train de rouler comme une grosse baleine. Parce qu'on s'est mis par terre, on s'est mis allongé par terre là pour faire le gainage en mode comme si on faisait des pompes, sauf qu'on se tient sur les avant-bras, donc c'est ça le gainage. Hein. Et putain, c'est chaud. Il n'y a pas une photo pour Polo le mettre sur Facebook? Non, si on pourrait, ouais, mais il n'est pas à son avantage hein, pour le coup là. Bon, attends, Marvin, donc toi tu tiens plus ou moins 5 minutes, c'est ça? Ouais. 5 à 10 minutes. Bah attends, mais tu fais un truc en particulier, c'est pas possible, Marvin? Non. Comment tu fais? Parce que c'est 10 minutes, c'est juste hardcore. C'est-à-dire que là, 3 minutes, on a failli mourir. C'est un menteur. C'est-à-dire que même là, j'ai juste déplacé le micro, j'ai eu l'impression d'avoir soulevé 300 kilos. Quoi. Ah, mais grave, moi aussi, j'ai mal au bras et tout. Putain, on est des vrais locs hein, pour le coup là. Putain. Un sportif en carton, quoi. Grave. Oh là là. Je vous rappelle quand même qu'il y a un peu moins d'un mois, on tenait pas 20 secondes. Ouais, c'est vrai. On a tenu combien là? Là, on a tenu 210 secondes, 3 minutes. Et en fait, on va faire combien 3 minutes 30, 210 secondes. Dimanche, on va faire combien? 270. Ah, mais en fait, on a battu notre record. Ah, bah largement, on a fait une minute de plus qu'hier, hein, carrément là. Putain. Bon, eh ben écoute, Marvin, on va te reprendre demain, tu vas le faire avec nous du coup, le 210 secondes. Ah ben si vous voulez. Eh ben avec plaisir, on fait ça demain sans problème, et roule. Et puis j'attendrai comme ça jusqu'au polo si vous voulez bien, je fais le polo comme ça en mode gainage. Ça n'existe pas le polo si vous le voulez bien. Oui, c'est le polo contre le reste du monde. Polo si vous le voulez bien. Le reste du monde en mode gainage si vous voulez, mais il y a d'accord, pas de problème. D'accord, t'as rien demandé. Si tu veux, il y a pas de problème. Non, on aurait dû faire le polo si vous voulez bien l'écouter. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, reste avec nous Marvin du coup là, bouge pas de là. Damien qu'on va prendre là maintenant là, le canulariste. T'es là Damien? Ouais. Bon. Allô. Ça va Damien. Ouais, ouais. Est-ce que t'arrives à faire du gainage avec ton cerveau, toi? Avec mon cerveau, de quoi? Non, rien. Ouais, voilà. Bon, alors, Damien, tu voulais faire un petit canular, toi, c'est ça? Ouais, je vais faire deux manières de canular. De quoi? Je vais faire deux manières de canular. Deux manières de canular, ok, d'accord. Je vais faire le coup du livreur. De l'imitateur? Non, le livreur de pizza, en faisant quoi? De l'imitateur? Le livreur de pizza. Le limitateur de pizza? Tu vas imiter une pizza? Non, le Ah, c'est la cuisson, t'imites la cuisson. Ah, mais t'imites quoi, une quête fromage? Non, putain, il est fort le livreur des pizzas. T'es un génie. Et que je suis en bas de l'appartement de la personne qu'on va appeler. Ah, très bon choix, très bon choix. Bah écoute, alors c'est parti, on y va, on appelle alors, hein, d'accord? D'accord. Bon, t'es prêt, hein, sois bon, hein. Ça marche. Bon, alors attends une seconde, on va composer. Bon, réfléchis déjà à tout ce que tu vas dire, hein, improvise et tout, d'accord? Avec la musique du cirque derrière, c'est énorme. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bon, j'espère que ça a décroché à cette heure-ci, hein. Ah voilà. Ça sonne déjà, c'est pas mal. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est le livreur de pizza. Oui, mais quel est cet importun qui m'appelle à cette heure tardive? Mais c'est le livreur de pizza, vous avez commandé des pizzas. Mais mon bon monsieur, nous ne commandons pas de pizza ici. Nous avons un cuisinier. Mais si, je suis en bas de votre maison, je suis en bas, je vous attends. Vous êtes en bas, mais vous êtes en bas d'où, monsieur? Il y a 2 kilomètres jusqu'à la porte du domaine. Non, mais je vous les offre, je vous les offre. Vous m'offrez quoi? Je vous offre les pizzas. Mais que voulez-vous que j'en fasse? Mais mangez-les, hein. Mais nous ne mangeons pas de pizza, enfin. Mais si, c'est le livreur de pizza. Mais que voulez-vous que je fasse de ça? Bon. Non, mais c'est écrit sur la facture que c'est votre adresse. Oui. Et que vous avez commandé 2 pizzas. D'accord, eh bien trouvez quelqu'un d'autre, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. Passez entre nous. Allez, il est parti. Bon, écoute... C'était à chier, là. Ouais, c'était pas terrible, il va falloir faire mieux maintenant, d'accord? Maintenant, je vais faire le coup maintenant de Laval. Je vais faire croire, j'ai appelé une personne. Ah, d'accord, ok. Je vais dire ça, c'est Laval. Ah oui, c'est parfait, on y va en l'appel, hein. On a compris. Vas-y. Allez. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Ça sonne. On y va. Non, mais on voit quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est quelqu'un d'autre, bien sûr, on va chez quelqu'un d'autre. Bah oui. Ah, ça... Hello. Oui, bonsoir. Yes. Oui, bonsoir, monsieur. I don't understand what you said. What do you want? En fait, je vous appelle pour savoir... I don't understand what do you want? Vous avez avalé parfois. What? Arrête, c'est de l'anglais. Comment is aval... Yes, I speak English. You speak English? Yes. Yes, you do? Do you want some aval? On est bon là. Some what? Bon bref, si vous voulez savoir, c'est pour ça si vous avalez. I don't understand. What, you want some what? What the fuck? You fuck? You fuck? Boom boom fuck. You fuck what? You come on fuck? You fuck my wife? Fuck off. You fuck my wife? You fuck my wife? Your fuck is aval. Bon, en gros, je veux dire si vous avez avalé, alors passez entre nous. You fuck my wife. Non, mais passez entre nous, pas peine d'aboyer. Son of a bitch, you fuck my wife. Non, mais c'est pour savoir si vous avez déjà avalé. You fuck my wife, son of a bitch. Oh. You're talking to me. You fuck my wife. Shut up. Son of a bitch. Shut up, fuck off, you're a stupid bitch. Qu'est-ce que t'as dit à la fin? Il a raccroché. Là. Qu'est-ce que t'as dit à la fin? J'ai dit fuck off the beach. Fuck off the beach. Mais tu lui as dit en fait... Ferme ta gueule la mer, voilà. Pas la plage. C'est ça? Non, ça veut dire en gros ta gueule enculée, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta gueule enculée, c'est-à-dire. Ah, non, pas ta du gueule enculée. Non mais d'accord, parce que nous on parle pas anglais, donc c'était pour savoir. Comment on dit il était un petit navire? In English. Moi je connais que les gros mots, c'est différent. Ah merde, et d'accord, ok, très bien, bon bah tant pis. Non, je parlais de navire parce que j'ai reçu une photo d'un... Ah, oh, vous êtes des enculés quand même avec la Rora là, l'équipe espagnole là. Je viens de vous mettre une petite photo sur... C'est pas bien, ouais. Parce qu'en plus je rigole, mais c'est espagnol, bon moi je suis portugais, je sais qu'on va prendre le même avion pour rentrer dimanche. Mais voilà, je vais quand même le mettre, elle est rigolote, on voit le Titanic en avec les couleurs d'Espagne, on voit Casillas qui joue du violon le pauvre. Donc bon, va aller voir, c'est rigolo, voilà, c'est rigolo, ça bon, il faut lire quand même le message de Pierre, c'est pas cool, c'est O-U-L-E. Oui, bien sûr, et pas cool, oui. Oui, elle... Bon, Damien, écoute, t'as pas été très bon, hein. On va te... Attendez, à propos du taxi, est-ce qu'il s'est rétabli du carton qu'il a pris? Ouais, il s'est rétabli. C'était dans le journal, t'as pas vu? Non, c'était la semaine dernière, on avait appelé un taximan, il avait eu un accident en direct et tout, c'était la folie. Et donc, non, on a eu des nouvelles, il va bien là. T'inquiète. D'accord. T'es un bon gars, Damien. Non, t'es un bon, on sait bien de prendre des nouvelles en plus, c'est t'es cool. T'es un vrai canulariste, parce qu'un canulariste, c'est un mec qui fait des canulars, mais c'est des bons canulars. Exactement. Et le mauvais canulariste, c'est quelqu'un qui fait des canulars, mais c'est un mauvais canulariste. C'est un mauvais canulariste. Voilà, c'est ça. Exactement. Au départ, j'appelais là pour une musique, parce que je fais une musique qui bouge un petit peu de sorte, toi. Tu veux une musique qui bouge un peu dance floor? Non, il a fait une musique. Ah, toi, t'en as fait une? T'en as fait une? Ouais. Ah ouais, c'est quoi? C'est une musique, en fait, c'est la techno, ça s'appelle... Do you want some bread? C'est quoi? Tu veux dire, la musique, c'est donne-moi du pain, ça veut dire, en fait. Mais tu parles... T'as mis un truc dans ton nez ou quoi? C'est vrai, en plus, attendez, je l'avais. Ouais. Fais-nous écouter, ça a l'air d'être du lourd. Hein. C'est génial! Mais j'adore! Écoute, cette nouvelle idée de musique sans son, moi j'adore, moi je trouve que c'est top. Son altissime, Jérôme va adorer. Mais oui, mais attends, parce que imagine, t'es comme ça, t'es dans une boîte, et là t'as la musique, et c'est ça. C'est une ambiance totale quand même, ouais, génial! Wow. Attends, on va quand même écouter la musique. Donc c'est expérimental, hein. Oh putain, il chante. Ah, il faut qu'il nous l'envoie, il manquait plus que ça maintenant. Attends, Antoine, Damien! Je vais voir s'il l'a mis sur YouTube. Damien! Ouais? Tu peux pas nous l'envoyer par mail? Comme ça, moi je la passe sur Fun et tout. Ça va? Bah, tu me l'envoies sur mon mail, mikael@funradio.fr. Et si elle est bien, je la passe demain 23h début d'émission, on en a rien à foutre nous. Eh, c'est toi qui chante? C'est toi qui chante? Ouais, c'est ma chanter en fait. Ah putain, c'est pas mal hein. Tu sais que tu vas prendre cher en plus hein, quand on va la passer sur Fun et tout, comme t'es auteur, compositeur, interprète, écrivain, c'est lourd hein. Quelqu'un risque de te la voler. Bien sûr. Ah bah oui, attention, méfie-toi quand même hein. Ouais, les droits d'auteur aussi. Bah oui, c'est ça. Bah attends, c'est parce que quand t'es grand, tu peux des droits d'auteur. Voilà, des droits d'auteur hein, c'est H avec un H quoi. Voilà, H A U T E U R. Des droits d'auteur. Bon, eh ben écoute, on te reprend demain avec ta nouvelle chanson, d'accord? Ouais, et ensuite je donne demain parce que je suis avec ta dinar à ma belle-mère aussi. Bah d'accord, deux fois. En fait un sport, je suis avec des potes. D'accord, génial, c'est une super idée. C'est parfait. Eh ben on fait ça, personne n'y a pensé avant toi. Ok, c'est parfait. Le talent à l'état pur. Non mais on le fait, mais attends, mais t'inquiète pas. T'as ma parole, on le fait. C'est parce qu'en fait, vous êtes avec un pote qui s'appelle Michel sur du toit, en faisant croire qu'on était sur le toit et qu'on n'arrive pas à descendre, par exemple. Et après, on est encore dans la belle-mère que je suis sur le toit avec des potes, avec un pote qui s'appelle Michel, et qu'on essaie de descendre et qu'on n'arrive pas. Du coup, on va appeler la belle-mère pour le faire croire ça. Bon bah le son du Gazaléa à l'instant avec Fun Sister Mix avec notre ami le canulariste Damien qu'on a eu tout à l'heure là. Bon et donc soyez là demain 23h, je peux vous dire que ça va être du très très très très mais alors très lourd je pense, puisque nous aurons le single de Damien le canulariste. Eh oui, ça va être du très très lourd. Bon, on y va, c'est parti, Polo against the rest of the world. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio et vous le savez, je suis la légende vivante du soir. Parce qu'il s'emballe pas du tout, c'est ça qui est bien. Qui ça? Bah toi. Non, j'ai décidé de me jeter quelques flairs. J'embrasse son Altesse Sérénissime Jérôme, voilà. Mais voilà, vaut mieux pas parce qu'il sait pas que cette émission existe. Ouais, ah pardon, alors je ne suis pas là. Jean-Jacques Dulac, on t'écoute. Polo. Ouais. Bonjour, Polo. T'es trop lent. Poutine. Je veux faire hop, t'es trop lent, dégage. Le fou. Polo. Ouais. Tu sais, j'ai goûté le coca de Tevia là. Ah, et là, le mec, il est un peu. T'es trop rapide. Louis. Oui, j'ai entendu la dédicace qu'on m'a faite hier. Il y a un truc derrière toi, Louis. Essaye de réparer ça. Léo. Oh, je viens de péter. Le bon canulariste. Ouais, volant. Ouais. Non, je voulais dire, moi, j'écoutais Damien. De quoi? Non, j'écoutais Damien. Ouais. C'est de la merde, cette année-là. Hein. Ah bah oui, mais c'est... Non, parce que moi, je suis un bon canulariste. D'accord. Et mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait un bon canulariste? Bah, moi, j'appelle les gens. Ouais. Et ils décrochent. Ouais. et il raccroche. Et un mauvais canulariste? Bah, il appelle les gens. Ouais. Il décroche. Ouais. Et à la fin, il raccroche. Super. Marvin. Oui. Le grand retour de Marvin. Peux-tu expliquer ta situation, jeune Marvin? Alors moi, ça fait tellement longtemps que j'ai appelé. Donc, je suis dans le polo Again, The Rest of the World. Ouais. Et ça fait deux mois et demi, voire trois mois que j'appelle. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est la blague de merde. Voilà, mais tu ne l'as toujours pas faite. Voilà, c'est ça. Bon, bah merci Marvin. Jean-Jacques Dulac, le retour, on t'écoute. Ici la voix. Ouais. Je les habille lentement. D'accord. Sensuellement. Je te regarde. Ok. Maintenant, prends un loubic. Ouais. Et transfère-toi dans tes tongs. C'est génial. Poutine. Je vais faire une demande en mariage. Vas-y, Vladimir. Je voudrais faire une demande en mariage à Sushita. C'est qui Sushita? Tu connais pas, t'inquiète. D'accord, bah fais ta demande en mariage. Je lui demande de m'épouser pour le meilleur et pour le pire, et qu'elle accepte de me donner son cul et sa chatte jusqu'à sa mort. C'est bien ça, le fou. Rentre-toi dans le cul et suce-moi, toi. Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème ou quoi? C'est toi qui as un problème, tu vas pas laisser terminer ma phrase. Eh, je fais ce que je veux. Bah tu me suces. Connard, va. Bienvenue, vous êtes toujours sur Fun Radio. Louis. Oui, la grande vadrouille. Ça te dit quelque chose? Ouais, oui, c'est un film. Rabbi Jacob. Ouais, c'est un film. La soupe au chou. C'est un film. C'est le retour de Louis Funès. Eh bah oui. Léo. Oh, il vient d'arriver un truc de ouf avec la mère de Toff. Vas-y, raconte, vas-y, bah balance. Aide-moi, parce qu'en fait, j'ai vu la mère de Toff, en fait, je l'ai pénétré avec pénétration vaginale, et puis là, je viens de la ressortir ma bite. Elle est pleine de gerbes, elle est dégueulasse. Faut me donner un conseil, là. Oh, hey, t'as quel âge, toi? Ben moi, je suis passé plein de fois pour le chômage. T'as quel âge? Oh, j'ai 13 ans. Et tu peux pas... T'as pas autre chose à faire à 2h du mat que de venir dire de la merde? Allez. Je pense que nous avons créé une génération de cons. Le bon canulariste. Ouais, pardon. Ouais. Ouais, non, je voulais savoir, tu peux devenir canulariste de ton émission? Ouais, on peut faire ça, ouais. Ouais. Ouais. Bah je rappelle demain et on appelle les gens. D'accord, on fait ça. Marvin, le retour. Ouais, donc je peux la faire ou pas, une blague? Tu veux faire quoi, Marvin? Une blague? Non, ça ira, j'ai pas envie. Jean-Jacques Dulac. J'aime bien. T'es trop lent, Poutine. Ouais. Trop lent, le fou. Je t'encule. Louis. Ouais, la mère de Toff, elle est venue dans mon lit et on a fait des gangbangs ensemble. Oh, ta gueule, toi. Léo, 13 ans. Oh, Toff, je peux te demander un truc. Il est pas là, Toff, il n'y a pas de Toff ici. Oh, bah tant pis, ouais, je voulais lui demander de sortir avec moi, vas-y. Qu'est-ce que tu veux, Léo? Non, en fait, hein, je me suis trompé, je voulais parler de la mère de Toff, en fait. Il est con, le bon canulariste. Ouais, pour l'heure, j'ai fait un disque. Ouais. Ça s'appelle Do You Want Some Coke? Ouais. Mais rien à voir avec est-ce que vous voulez du coca, hein? D'accord. Ouais, parce que ça n'a rien à voir avec la drogue, hein. Tu nous fais écouter ça demain? Ouais, d'accord. Merci. Marvin, conclusion. Tu sais qu'il est. Attends deux secondes, tu m'as saoulé. Jean-Jacques Dulac. Tu sais. Hop, t'es trop lent, dégage. Poutine. Hop là, le fou. Je baise. Eh ben vas-y, exprime-toi, espèce de con, va au lieu d'être vulgaire comme ça. Vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes. Hop là, dégage d'ici. Louis, 17 ans, conclusion. Ouais. Elle m'a baissé le pantalon, elle a voulu me sucer. On s'en fout, Léo. Si, il est con ce loup. Hé, hey, Léo. Ouais. Hé, hey, tu reviens demain, d'accord? Oh, vas-y, en plus je suis passé 10 milliards de fois sur ce truc-là. Oh. Super, tu reviens demain ou pas? Mais oui, je reviens. Allez, demain. À demain, dégage. Le bon canulariste, conclusion. Ouais, je reviens demain. Ouais, parfait, ciao. Et pour terminer, Marvin? Ouais, je peux la faire ou pas, ma blague? Non. Tu dis au revoir, Marvin? Non, pas au revoir. Si, dis au revoir et raccroche-toi au nez, vite. Bah non, parce que demain, je vais faire le... Dis au revoir. Non. Au revoir. Marvin. À demain. Allez, casse-toi d'ici, vite. À demain. Raccroche-toi au nez. Raccroche-toi. Allez, dégage. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et merci surtout à... Salut, c'est Claire Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Voilà, c'est comme ça. Tous les soirs, c'est quand heureux. Ça se termine comme ça que c'est mieux en fait, hein, finalement. Bon, 2h02 sur Fun Radio, on va se faire les top tweetos là, hein, comme tous les soirs. Hein, on va voir celui qui a posté le plus de messages avec le hashtag Mickaël sur Fun. Et on terminera avec le générique de fin. Allez, c'est parti. Quel est donc le numéro 5 ce soir? Non, ouais. Ness. Numéro 4. Corentin. Numéro 3. Mr. Steven. Numéro 1. Vladimir Poutine. Et numéro. Bah oui, numéro 1, là, fait le tour. Non, parce qu'on est à numéro 2. Alors, oui, donc, Vladimir Poutine, numéro 2. Et numéro 1. Et Titou. Titou, qui est à nouveau, je crois. Oui, qui est à nouveau. Bah, on a jamais ou une nouvelle, je sais pas. Qui donc, a gagné à nouveau. Donc, le sextoy offert par. Passagedudésir.fr. Voilà, on remettra le couvert demain pour la dernière de la semaine à partir de 23h sur Fun Radio. Et générique de fin. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à feu, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Moi je vais te faire le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. T'as envie de te faire enculer ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde ! Que veux-tu ? Ils sont canadiens, ils sont canadiens. Va enculer ta mère je la baise, par tous les tours. Hein ? Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Mais t'es enculé, mais c'est pas. C'est toi l'enculé, t'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, une de fête. Merci en tout cas d'avoir été nombreux ce soir. Demain 23h, soyez bien sur Fun Radio, puisqu'il y aura en exclusivité le nouveau son d'Enflore de Damien Canulariste. Et je pense que là il y a du lourd. Et je pense que là il y a du lourd en effet. Bonne nuit tout le monde, merci d'avoir été aussi nombreux. Facebook, Twitter comme d'habitude, et par SMS, et également au standard comme tous les soirs. Je vous embrasse. 23h, 2h, Mickaël Nos Limites sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est notre ami Guillaume qui va débarquer jusqu'à 6h du mat, hein. En forme. Je suis Al, gros, je suis Al. Bon bah tant mieux alors. Mais il est en pleine forme puisqu'il a pas fait le gainage lui. Ouais. Eh bah non, pas ce soir. Ah, faut pas trop abuser. Bah c'est ça, pas trop. J'avais une petite question, t'es payé au mot quand tu dis enculé, t'es payé ou pas? Ouais. Ah non, moi je dis jamais enculé. Ah d'accord. Il a une prime. Ouais. Il a une prime, c'est important effectivement. C'est un job, tu peux pas comprendre. Voilà. Bon, tout à l'heure à 6h c'est Bruno qui va débarquer. Exactement. Tous les matins. Passez une bonne nuit. Et bah tout aussi. Et puis bah vous aussi d'ailleurs qui êtes derrière la radio. On se retrouve demain après le VinFun à partir de 23h pour la dernière de la semaine avec le canular du jeudi évidemment, et puis encore avec des maillots de football à gagner à partir de 23h. On se quitte avec Katy Perry. Katy Perry birthday. Ciao. Allez, on est sur Fun Radio, c'est Guillaume, on passe la nuit ensemble, ça va très très bien se passer. J'ai plein de trucs à vous dire. Katy Perry birthday sur Fun Radio. I heard you feeling, nothing's going